Allô? Ouais, Geoffroy, ça va? Tu fais quoi cet après-midi? Je viens de me réveiller. Je sais pas, je bosse. Bon, c'est pas grave. Prépare ton sac, je vais passer te chercher dans 30 minutes. Pourquoi faire? Je sais pas, on verra, on part en voyage. J'espère qu'il y aura de la bière. Évidemment, il y aura de la bière, mais il y aura aussi de la bouffe, des lieux cool. On verra, allez, j'arrive. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode pilote de Bière de Voyage. Je m'appelle Lucas et voici mon acolyte Geoffroy. Salut! On est tous les deux passionnés de bière artisanale depuis maintenant 8 ans, ça? 8 ans? Un truc comme ça, ouais. Et ce qui nous fait le plus kiffer, c'est de voyager autour de la bière. On a eu l'occasion de découvrir pas mal de pays. On a fait quoi? On a fait New York, Londres, bon, c'est pas des pays, c'est pas très grave, Bruxelles. Et ça fait quelques temps qu'on avait envie de partager avec des gens, à peu près après, ceux qui sont intéressés. C'est ça. Bah, nos coups de cœur, nos rencontres et les barres de ouf qu'on a pu faire. Ouais, c'est bien, mais il faut aussi manger. C'est pas faux. On parlera également des restos, nos petits déj à volonté, parce qu'on aime bien les petits déj à volonté dans les hôtels, les barquettes de frites partagées sur la grande place d'une ville improbable du Nord. Et enfin, parce qu'il n'y a pas que boire, parce que déjà boire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, comme ça sera dit. Eh ben, on peut manger, mais aussi parler des lieux qu'on visite. Parce qu'avec Geoffroy, on aime bien visiter des lieux qui sont liés à la bière, c'est évident. Et puis, à côté de ça, ben, on aime bien les cathédrales, on aime bien les châteaux en ruine, on aime bien les lieux chargés d'histoire, comme diraient Toujours. certains. Et pour pas oublier un point essentiel, parce que voyager, c'est bien. Nos voyages, c'est surtout de l'impro. On peut partir un jour, 2 jours, 3 jours, on ne sait pas forcément quand on part, on ne sait pas forcément quand on rentre. Et surtout, on ne sait pas toujours où l'on va. On voit un peu au feeling, on pose des questions sur Instagram pour voir bah, justement avoir vos conseils, avoir des propositions de lieux par exemple, et on se dirige vraiment, si on décide entre deux villes, bah, on va un peu où vous voulez qu'on aille. Carrément. Bon, on espère que cet épisode pilote va vous plaire. Allez, c'est parti. Sur ce premier voyage, on va vous parler de ce qui nous est arrivé en début août. C'est ça, on est parti le 4 C'est août. ça. Pour une raison un peu improbable, on a dû livrer des feuilles blanches à un client vers Lille. Et en partant, c'est quand même dû que ça pouvait être sympa de rester quelques jours. Parce que bon, faire Pourquoi pas? l'aller-retour à Lille pour une dizaine de feuilles, c'était un peu dommage. On savait pas du tout combien de temps on allait rester, mais comme il y avait quand même 2-3 trucs qu'on avait envie de faire, notamment le Bierbuick, le Blom, enfin, ou le Blomke, on ne savait pas à ce moment-là, et le Beer Square qui venait d'ouvrir post-confinement, on avait quand même 2-3 trucs à faire dans la région de Lille. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans ce premier voyage à Lille. Après notre livraison, du coup, on est arrivé à Lille, centre. Hein. On a commencé par le Beer Square. Donc, le Beer Square, c'est situé sur le parvis de la Treille à Lille. Ça a été ouvert, si je ne me trompe pas, en juin, le 19 juin 2020, par les anciens gérants du Vivat Factory, qui était un lieu un peu connu quand même de Lille, même si pas très très craft dans le fond, avec peu de choix. Et aujourd'hui, donc, ils ont Vinbec. C'est un bière qui, Vinbec qui tourne tout le temps. Ils ont des gaufres parce que c'est un peu leur particularité, c'est que ils ont de la bouffe et de la bouffe qu'ils font eux-mêmes. Donc, il y a des gaufres sucrées et salées. On a pu goûter une gaufre au Welsh parce qu'on a essayé d'être local, même si je crois que au final, ça vient pas vraiment vraiment que du Nord. Ils ont une crawler station sur place, ce qui nous rend un petit peu toujours foufou, parce que les canettes, c'est la vie. Et apparemment, ils prévoient aussi de faire des ateliers de brassage, ce qui nous fait quand même grave kiffer. Et toi, Geoffroy, qu'avais-tu pensé du Beer Square? Bah, le Beer Square, on voit que c'est quelque chose de nouveau. Il me semble que l'ouverture, elle devait se faire en Mars, mars. ouais, Il me c'est semble que c'était ça. le 19 mars, du coup, c'était vraiment 2-3 jours après le début du confinement, donc vraiment pas de chance pour eux. Ça a été décalé à mi-juin environ, quelque chose comme ça. Ils ont fait une soirée d'ouverture qui semblait folle. J'ai vu passer ça sur C'est celle où Facebook. ils avaient offert 50 repas là. C'est ça. En gros, il y C'est bien avait manger gratuitement. 50 personnes invitées par le Beer Square qui avaient de la nourriture à volonté gratos. Et ensuite, chaque personne invitée pouvait inviter une autre personne qui avait 50% en fait sur la carte. Donc c'est Non mais du vraiment. coup c'est con parce qu'ils pouvaient partager la bouffe gratos. Aussi. Mais bon. Enfin, on l'a tous fait au Japon à volonté, donc pourquoi on pourrait pas le faire sur des gaufres? C'est possible aussi, ouais. Et là-bas, d'un point de vue bière, donc, comme tu as dit, ouais, non, c'est vachement cool, ils ont des bonnes références. Nous, on avait dû goûter environ 8 bières, si je me trompe pas. Je t'avoue qu'on enregistre le 3 septembre et que je suis incapable de me rappeler de ce qu'on a bu là-bas. Bah, moi, j'ai tout ici. C'est un homme professionnel. J'ai checké vite fait sur Untappd ce que tu avais mis. C'était un homme professionnel. Moi, je check pas toujours tout, mais du coup, j'ai vu, ouais, non, il y a de l'Omnipollo, il y a du Rogue, il y a du. Il y avait une collab Omnipollo avec Other Half. Une quadruple IPA. C'est pas celle où t'as sifflé tout le galopin? Oh bah. Non, c'était un stout que où t'as sifflé le galopin. Je l'ai pas goûté vraiment, parce que je faisais des vidéos. Ouais, ça c'est pas faux. Chacun son travail. Après, ouais, il y avait Frogruber, Broward, Brasserie du Saint-Chavant, qui était une brasserie locale. On n'a pas eu le temps de les voir, malheureusement, pendant notre séjour à Lille. Ouais, ça faisait partie du truc qu'on avait vachement envie de tester. Parce qu'on nous avait eu des très bons retours, qui étaient grave cool. Ouais. Donc, si vous nous entendez, bah, on aimerait bien passer vous voir. C'est ça. Et on les avait croisés rapidement quand on était sur le stand Headbang à Amiens, où ils étaient juste en face de nous. J'ai pas eu trop l'occasion, justement, d'échanger avec eux, mais du coup, la prochaine fois, ça sera vraiment avec plaisir. Et du coup, pour revenir vraiment sur le lieu, non, c'est un lieu qui est vachement agréable, mais on voit qu'il est donc jeune, très jeune. Il y a un petit côté un peu aseptisé, où déjà avec les mesures sanitaires, avec le masque. Ça veut dire qu'il faut y aller et qu'on fout de la merde, c'est ça? Ouais, on peut mettre des stickers, on peut... Oui, ça manque de stickers. Ça manque déjà, de stickers. Un bar à bière qui n'a pas de stickers, c'est un problème. Normalement, les toilettes, c'est Stickerland. Mais là c'est vrai que c'est trop neuf, et là, je pense d'accord. Que d'ici quelques mois, d'ici 6 mois, 1 an... Je pense que ce sera vraiment un lieu qui sera cool. En fait, là, il y aura vraiment la patte du truc qui se sera fait. Mais là, déjà, avec les mesures sanitaires plus le fait que ce soit quelque chose de très jeune, il manque un petit truc, mais je sais que ça va venir d'ici les mois qui viennent. Je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait que les intérieurs de bars sont complètement désertés, ouais. Et que comme il y a des terrasses agrandies avec la Covid, à mon avis, il y a peu de gens qui ont vraiment passé des grosses soirées en intérieur. Ouais. Bon, avec tout ce que ça entraîne de tables un peu abîmées et de vie qui se crée dans le lieu. C'est ça. Et surtout, bah, sur la terrasse, les tables sont assez espacées, étant donné qu'avec les mesures, bah, les terrasses sont agrandies. On a l'impression, il n'y a plus vraiment de proximité. Au final, on va dans un bar, il y a toujours une table à côté. Il y a quand même les discussions des gens, ça fait une sorte genre de. Genre le nombre de fois qu'on a parlé avec nos voisins de table dans un bar, bah ouais. Dans tous les pays, quoi. Mais là, c'est vrai qu'il y a le côté où c'est trop éparpillé, il n'y a personne à l'intérieur. Et du coup, voilà, c'est la première impression. Déjà, avant d'y aller, moi, personnellement, j'étais assez hypé par le truc. On n'a pas goûté les gaufres sucrées encore. Du coup, on va devoir y retourner, on n'aura pas le choix. T'avais dit qu'on avait pris la Welsh, il me semble qu'on avait aussi pris une deuxième, c'était Maroilles. Ouais, on avait fait voilà. Le fromage, quoi. Le fromage, c'est toujours bon, de toute façon. Elles étaient un peu petites, moi, je trouve. En fait, elles étaient garnies, ouais. Mais de salade, quand même. En fait, c'est pas mal pour l'apéro. C'est pas quelque chose qui va faire directement repas. Peut-être le midi, si vous en prenez une ou deux, avec un petit verre, pourquoi pas. Ouais, surtout que j'ai vu qu'ils ont un happy hour, je crois, sur les gaufres. Genre le 11h30, midi 30, une gaufre achetée, une gaufre offerte. Ah bah, ça, c'est cool. Bah, voilà, du coup, là, tu peux vraiment faire un repas plus facilement. Mais sinon, ouais, c'est de l'apéro. Prenez ça comme de l'apéro, je pense. Après, peut-être que ça bougera. Ils font peut-être des gaufres doubles. Ouais. Qui sait. Mais justement, bah, nous, c'est ce qu'on a fait au final. On est arrivé là-bas, il me semble, il était vers 19h, aux alentours de 19h. On est resté là-bas une petite heure. Ouais. Et voilà, c'est tout pour le Beer Square. Et du coup, après notre apéro au Beer Square, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait deux choix. On avait un choix de resto qui était un resto italien qui s'appelle Papa Posto. Et un deuxième qui était un restaurant de burger qui était un peu plus loin dans la rue, qui est vraiment proche donc du Beer Square. Notre choix s'est porté au final sur le Papa Posto, puisqu'on avait vu sur le site de French Beer Geek qu'il fut un temps, ils avaient une crique, une lambic crique italienne en tout cas. Du coup, bah, on est arrivé sur place, il y en avait pas. Mais par contre, on a découvert un lieu qui est vraiment génial. Ouais, c'était vraiment cool. C'était le resto, c'est vraiment un truc qui nous plaît, ça fait un peu cadre de vie, ça bouge, ça discute. Je pense qu'ils font bar quand même aussi parfois. Bon, en fait, je me suis un peu renseigné, et en fait, ils ont 3 restaurants. En fait, ils ont 2 restaurants, il y en a un qui est à Lille, il y en a un autre qui est à Bordeaux, où de base, c'est des pizzerias. En fait, ils ont ouvert ensuite le Papa Posto, donc en fait, il y a Papa Michel, Papa Raphaël, il y a plein de trucs comme ça. Et le Papa Posto, lui, il a un concept un peu différent, où il se barre. Plus sur être un base. Non, il se base plus pour être une sorte de bar, donc plus lieu de vie que restaurant. Donc celui-là ne propose pas par exemple de pizza. Mais par contre, il y a pas mal de petites choses à grignoter. Genre de la mozza. Ah putain, les mozza, elles étaient excellentes. Par exemple, là j'ai la carte sous les yeux. Oui, alors il faut quand même savoir qu'il a imprimé littéralement la carte du resto non, pour l'enregistrement. Vraiment, je pense que la prochaine fois que je vais à Lille, c'est parti dans les restos d'un mec qui aime la mozza. Celui-là, ça sera. Mais en fait, on avait pris une burrata classique et on avait pris une stracciata fumée. Et en fait, ils ont des fournisseurs qui viennent directement des Pouilles. Et les Pouilles, c'est là, c'est un peu le berceau de la burrata. On a pris ça, on avait pris. Qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait fait une planche de charcuterie. Ouais. Et fromage aussi, je crois. Et d'autres choses, ouais, on avait dû faire une planche de charcuterie, une planche de fromage, et tout ça, donc avec du pain. Et le tout, c'était une putain de tuerie. Les bières qui étaient proposées sur place, on n'en a pas pris. Oui, alors, chose exceptionnelle, on n'a pas pris de bière. C'est ça. Mais juste déjà pour le savoir, les bières sur place, c'était le Bira Baladine. Ouais. Donc c'est une brasserie. Je pense que c'est peut-être une des brasseries les plus connues craft d'Italie. C'est un truc qui est dans le nord-ouest de l'Italie, si je ne me trompe pas. J'ai plus trop le nom du fondateur en tête, mais on peut en final le voir assez souvent. Et il me semble que je l'ai vu dans le Beer Magazine, par exemple, d'il y a un ou deux mois, une photo de lui. C'était un article qui n'est pas sur lui, mais pourtant, on le voyait sur les photos. Oh, c'est quand même vachement connu, Baladine. Ah bah oui. On l'avait vu quand, la première fois ? On avait dû le voir sur les gros salons au Mondial ou à Planète Bière, un des deux. Je ne sais plus exactement, c'était fait, il y a déjà 4 ans. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, il y a 4-5 ans, on avait vu ça. Et du coup, ouais, il y a quand même des choix de bière. Il doit y avoir 2-3 références italienne, mais nous par contre ce qu'on a fait, donc pour une fois on n'a pas pris de bière mais on a pris du vin, on a pris un Chianti, donc c'est quelque chose qui est de la région de Toscane, c'était excellent, mais oui, surtout pas mauvais et pas très cher et surtout improbable. On a eu une petite surprise, le nom du vin ça s'appelle When We Dance il me semble, je sais pas s'il est écrit sur la carte, mais en tout cas en lisant un peu plus l'étiquette on a vu que c'était le domaine viticole de Sting. Ouais, alors c'est écrit, ouais, c'est écrit sur la carte When We Dance, superbe Chianti raffiné, charnu et boisé, maison de Sting. Nous, on voit la maison de Sting, on se pose pas de questions. Enfin, sur le moment, il y a aucune raison. Ouais. Et donc la bouteille arrive, on goûte, très très bon, on est très content, rien à signaler. Puis à un moment, comme j'aime beaucoup lire les étiquettes, je tourne l'étiquette et puis je vois une signature qui me parle. Et puis je lis, et puis en fait, oui, non, clairement, c'est Sting apparemment qui a acheté un vignoble là-bas. Alors, on n'a pas beaucoup plus d'infos, on n'a pas non plus cherché particulièrement, mais apparemment, il a l'air de s'intéresser quand même bien à la chose. C'est pas juste j'ai mis mon pognon sur la table et merci, au revoir. Donc, on peut dire qu'on a bu le vin de Sting et qu'il était bon. Ouais. Parce que bon, ce qui était vachement agréable. Dans la bière, on n'est quand même pas très, très, très doué pour avoir des bières de groupe qui sont toutes bonnes, à part 2-3 qui sortent un peu du lot et encore. Bon, ouais, c'est jamais pas vraiment ça, quoi. Bah, quand tu goûtes la CDC, tu te dis putain, pourquoi on a fait ça, quoi. Et du coup, ouais, après ce resto, on était assez fatigués avec toute la route qu'on avait fait dans la journée, le Beer Square, le resto, on avait aussi quand même bu quelques verres au Beer Square, plus la bouteille de vin chez Papa Posto. Du coup, bon, on a décidé de se rentrer à l'hôtel pour commencer. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que après avoir livré les feuilles, on ne savait pas forcément où on allait, on a un peu flâné, mais rapidement, on a quand même compris qu'on allait dormir sur place, mais qu'on allait rentrer le lendemain, c'est ça. Normalement. Et surtout, on n'avait pas l'hôtel encore. On n'avait pas l'hôtel. On a réservé l'hôtel, il devait être quasiment 17h, donc c'était une heure, livrer, c'est une heure et demie avant d'arriver justement sur l'île, alors qu'on était un peu plus au sud de l'île. Du coup, c'était un peu la surprise. On a regardé vite fait sur les sites les lieux incontournables de l'île d'un point de vue bière. En fait, on a pris un hôtel qui était bien centré dans l'île, justement. En gros, entre la gare et le Grand Palais. On était juste à côté de la gare, entre la gare et l'Apple Store. Ouais, mais je suis pas sûr que l'Apple Store, ça parlait. Non, c'est quoi ? C'est l'Opéra. C'était entre la gare et l'Opéra. Et on devait rentrer le lendemain, donc à suivre dans une nouvelle journée. Donc sur cette nouvelle journée, on a commencé par réserver le Blomke. Donc c'est un resto qui a été monté par, comment il s'appelle déjà, notre cher ami, qui n'est pas notre ami, Florent Laden, mais quand même l'ami de la brasserie de l'aide, donc ça marche par extension, qui est un type qui a repris, a priori, moi j'ai la date en 2007, à sa famille, l'Auberge du Vermont, et qui a été finaliste de Top Chef, émission que moi personnellement je n'ai jamais vraiment regardée. Je ne sais pas si toi Geoffroy, tu as eu l'occasion. J'ai vu des épisodes, mais je n'ai jamais vraiment suivi, quoi. Moi, j'ai jamais vraiment compris le côté concours de bouffe, mais apparemment, c'est vachement cool. Le nombre de potes que j'ai aujourd'hui qui regardent ça, et même dans la bière, on a pas mal de potes qui nous en parlent. Ouais. Ça a l'air d'être l'incontournable. Et donc lui, après avoir repris l'Auberge du Vermont, il a ouvert plusieurs établissements, notamment là l'année dernière, il a ouvert en mars 2019 avec Kevin Roland et Clément Dubrul. Il a ouvert le Bierbuix / Blomke. Donc il y a un lieu hybride, je crois que c'est la mode de dire ça. Ouais. Un lieu hybride, bon, c'est clairement c'est un brewpub avec une partie resto, hein, un peu plus que le brewpub, qui est dans le cœur du Vieux-Lille. Donc c'est une cantine locale flamande. Alors locale parce que tout vient de 20-25 km je crois max à part le poisson, à la louche. Donc il essaie quand même de choisir des ingrédients locaux et surtout de saison. Et en dehors de la partie donc bar avec le Bierbuix, où je crois qu'il y a des pintes à partir de 4 balles, il y a 4 bières, 3 qui brassaient sur place, parce qu'il fait brewpub, donc il brasse sur place. C'est ça. De petites cuves de 10 hectos. Ouais. Hein. Et surtout, on a pu goûter les 4 bières en fait dans le menu. C'était, oui, parce que voilà, dans la partie resto, il y a un menu qui a 25€ entrée plat dessert avec une boisson. Et comme la boisson, bah, c'était un demi, on a demandé si c'était envisageable d'avoir chacun 2 galopins. Donc on a pu tout goûter, et c'était vachement bien en fait. C'est audacieux parce qu'il fait des trucs improbables, genre la bière au sapin. Elle s'est pas toujours réussie quand c'est testé, et là ça l'était. Enfin, je crois que tout était réussi. C'était vraiment bon, ouais. Moi, dans l'ensemble, il y a un côté un poil à queue, mais je pense que c'était voulu parce que c'est censé aussi accompagner un repas, donc on va pas aller chercher le truc bien, bien lourd dans le repas. Faut quand même réserver, on vous le dit. Déjà, parce qu'à 25 balles, entrée plat boisson, vous imaginez bien que. Justement, quand tu parles de réservation, donc t'as dit qu'on a réservé, oui. Mais on a réservé à midi, le jour même, pour le repas à 13h30. En fait, on avait commencé à regarder un peu. À d'autres niveaux, on a réservé, tu vois. Mais on avait regardé un peu la veille, on avait vu que c'était possible donc, de réserver directement sur place, qu'il y avait encore des créneaux disponibles. Étant donné qu'on n'est pas forcément très, très futé tout le temps. Parle pour toi. On a décidé de se dire, tiens, bah, on verra sur le moment. Au pire, on est au mois d'août, peut-être que ça passera, on ira voir sur place directement. On comptait vachement sur le côté Covid. Hein. Ouais. Et quand on y est allé, on a eu la chance où c'était tiens, bah non, c'est complet, désolé, peut-être une prochaine fois. On a demandé, ouais, c'est vraiment pas possible. Au pire, nous, on est dans le coin pour la journée. Donc, même si c'est pour ce soir, même si c'est pour plus tard, vraiment en fin de service, il n'y a pas de souci. Et il s'avérait qu'il y avait une table qui était encore dispo à 13h30. Parce que les deux services font 1h15, donc il n'y a vraiment que deux services. C'est pas comme un resto où tu te pointes à n'importe quelle heure. Comme il n'y a que deux services, il faut quand même arriver au bon moment. Du coup, ouais, donc les bières, on en a parlé. La déco, c'est quoi? C'est un dus noir pâle. Apparemment, est-ce qu'il y a un étage? J'ai vu que c'était un peu plus IKEA style. Ouais. Je sais pas comment ils appellent ça. Norvégien, là. Nordique. Et ouais, alors ce qu'on a bouffé, parce que c'est quand même cool, même si on parle vachement de bière, on va parler de bouffe un peu. En entrée, on avait des courgettes cuites au feu de bois et son hollandaise au beurre de homard, lentilles germées, oseille pourpre. Moi qui déteste le homard, sincèrement, ça claquait sa race. Je crois que rarement j'ai goûté une entrée aussi légère et bonne et intéressante. J'ai l'impression que souvent quand tu as un truc trop léger, ça, c'est un peu passable. Et là, il y avait tout. Sachant que, ouais, ils utilisent beaucoup leur feu de bois. Mais beaucoup, beaucoup. Je pense que dans quasiment tout leur menu, il y a toujours un truc qui est grillé au feu de bois. Qui est cramé au feu de bois. Non, qui n'était pas cramé. Par contre, dans mon plat, qui était donc la cuisse de pintade grillée au feu de bois, pommes de terre, grenaille, rôti, sauce poivron, tomate, chou au barbecue et basilic. Donc, une espèce de. Les patates au pesto, c'était incroyable. Genre, je ne sais pas vraiment comment il les fait, mais c'était vraiment fou. La cuisse de pintade, moi, la mienne était un peu pas assez cuite. Donc, c'était un peu rose. Un petit peu rose quand même. Mais elle était très, très, très bonne. Surtout que bah, quand tu sais que c'est local et que c'est pas de l'élevage en batterie, c'est quand même un peu plus sympa quand tu le bouffes. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné, c'était le chou. Parce que, genre, me faire bouffer du chou, c'est quand même pas évident. Surtout, il y en avait en quantité. Hein. Bah, il y avait un quart de chou, à peu près, je crois. Un quart de chou grillé sur une face au barbecue. Et c'était quand même grave bon. Ouais. Et en dessert, une petite tartelette sablée, sa ganache sureau, mûr des Flandres, glace, verveine, citron, fleur de tagette. Avec la glace qui était faite juste avant, parce que je les avais vus au fond, c'était un petit truc pour faire les glaces. Non, en vrai, dans l'ensemble, c'était quand même super méga bon. Ça s'accordait vachement bien avec leur bière improbable. Est-ce que tu te rappelles des bières? Il y en avait... En fait, il y en avait 3 à la carte que j'ai notées. Il y en avait une dernière donc, qu'on nous a fait goûter, du coup, qui n'était pas à la carte. Du coup, je ne sais pas exactement sais comment ça se passait. C'était local, ça c'est sûr. Ouais, tout n'était pas local. De eux. Mais c'était... Du coup, je pense que c'est celle d'eux qu'on a, que j'ai justement. Il y avait la Smell Like Teen Spirit, qui était une saison à la fleur de glycine. C'est toi la glycine. On avait la Finement Con, là c'est plutôt toi. Ah ouais. Ou le style, je ne sais plus exactement ce que c'était. On avait la Sapin Trick. Donc, qui était une milk stout au sapin. Moi, j'avais pas trop le côté nick, par contre. Ouais. Je reviens sur mon histoire de c'était un peu aqueux. Une nick stout aqueuse, c'est pas un défaut un peu à ce niveau-là? Un peu, ouais. Mais elle était super cool. Ça, voilà. J'avais fait ça pour la Saint-Patrick, du coup. Donc, c'était pas mal. Je pense que c'est peintable. Oh, oui. Ah, je pense que toutes leurs bières sont peintables au final. Est-ce que leur cuisse de pintade, elle était peintable? Jeu de mots de merde, bonjour. Yes. Fait, ce qu'on veut, c'est notre podcast. Mais encore, t'as pas tout dit. J'ai oublié quoi? T'as oublié quelque chose de vachement important. Puisqu'on a. On a pas fait que le menu. Je sais. Parce qu'en fait, on avait vu Matt Carbo sur Facebook nous partager un petit plat qui nous faisait beaucoup rêver. Des frites. Bon, des frites, déjà, on kiffe. Mais surtout des frites au maroilles. Et vu qu'on adore les frites et qu'on adore le fromage, c'était d'une évidence. Donc, on s'est quand même été dans un resto à menu unique et qu'on leur a demandé, en plus, de nous servir une portion de frites au maroilles qu'on a eu en même temps que la pintade et que vous verrez sur la petite vidéo qui accompagne notre podcast. Et c'était quand même grave bon. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on était parti, on était en Belgique et on avait galéré à trouver des frites. Beaucoup de choses étaient fermées avec le Covid. Mais on avait galéré. Trouver des bonnes frites, c'est pas si facile que ça. Et au final, je pense que le nord de la France... C'est ce que je t'avais dit. Faites des meilleures frites que la Belgique. Il faut vraiment trouver les bons coins. Mais vous avez entendu ça ici. Un Belge qui a sa nationalité belge vient de vous dire quoi? Redis-le. Bah, les frites ne sont pas toujours bonnes en Belgique. Et c'est vrai que dans le nord de la France, on peut avoir des trucs de très très bonne qualité. Non, et t'as dit meilleur. T'as dit meilleur. T'as dit meilleur la première fois. Parce que sans enregistrer, tu ne peux pas te défiler. Mais donc voilà. Pour nous, c'est clairement un incontournable de Lille. Genre, presque, même si ça me fait mal au cœur de le dire, presque plus que la capsule. Alors ça n'a rien à voir, c'est deux lieux différents, on est d'accord. Mais je pense que vous ne retrouverez pas ça ailleurs, déjà pour l'ambiance, pour le fait que c'est un brew pub, la qualité de la cuisine. Donc maintenant on n'a qu'une envie, c'est d'aller goûter ces autres restos. Ouais. Bah surtout, dans le resto là qu'on a fait, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu à la carte. Je pense que si on l'avait vu, on aurait demandé ça en plus. Devinez, il y a quoi dedans? Il y a quoi? Il y a du... Maroilles. Voilà. Du coup, ils faisaient aussi des donuts au maroilles, du coup je ne sais pas à quoi ça ressemble. Si vous voulez, même pour tous les menus, vous pouvez voir sur leur Instagram. Après, c'est un peu dommage parce qu'en général, c'est surprise qu'ils font. Du coup, ils ont une carte qui tourne. Si vous voulez y aller sous peu, évitez d'aller trop voir sur Instagram pour pas vous faire spoil justement ce que vous allez manger. C'est toujours cool de découvrir un peu sur le moment. Mais sinon, ouais, vous pouvez toujours aller regarder. Il y a entrée, plat, dessert, ça tourne régulièrement. Quelque chose qui m'avait étonné. C'est que bon, dans les gastro, c'est très courant de pas écrire ton menu. Bon. Là, c'était cool, je trouve, d'avoir un menu unique à 25 €, sachant que le lieu propose d'autres choses. Voilà, il n'y a pas que ça à bouffer. Si tu veux aller manger du côté estaminet, tu peux. Et en fait, je pense que la nécessité de communiquer sur tes plats, parce que, ouais, faut être honnête, c'est ça qui ramène de la clientèle. Plus je pense que beaucoup de gens demandent ce qu'il y a, parce que c'est écrit menu surprise, mais même nous, en fait, on a demandé ce qu'il y avait. Ouais. Et c'est ouf parce que le type, il a des restos, il avait une étoile sur un de ses restos. Il y a peu de chances de douter de la qualité de la cuisine. Et pourtant, le fait qu'on aime tout savoir tout le temps, on a même du mal à faire confiance à ce gars sur... Alors qu'on lui fait confiance, voilà. Moi, je trouve ça très étonnant. Mais voilà, vraiment le rapport qualité-prix, je reviens là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien. Et même, vous pouvez voir, il me semble que les frites au maroilles qu'on a pris, c'était aux alentours de 5 €. Ouais. On a une photo qui est mise déjà dans la vidéo, et aussi même sur Instagram, on en a une qui traîne. Et ouais, pour 5 €, on est bien servi. Et même le repas, c'est quelque chose qui est pas lourd du tout, et c'est vachement agréable d'avoir un truc. Nous qui sommes habitués à manger des frites, des burgers, trucs gras en général. Le gras, on maîtrise. On a mis des frites en plus dans le repas, mais voilà, on aurait pu s'en passer, même si c'était excellent. Le repas en lui-même, c'était quelque chose qui était plus ou moins léger en quantité. On sort pas en ayant faim, mais par contre, on sort pas en étant la personne la plus repue de l'univers parce qu'on a mangé le repas, plus ça. Mais ce qui était cool... En fait, c'est la proportion parfaite, quoi. Ce qui était cool, c'est que ça nous a vachement motivés à rester dans ce coin et qu'on a décidé de bouger un petit peu pour mieux revenir, d'ailleurs. Mais de bouger vers quoi, Geoffroy? La Belgique. Donc alors, pour la Belgique, on avait plusieurs possibilités. On voulait aller dans les sortes de beer hangars, qui sont des grands entrepôts avec de la bière vendue directement, bah, la bière belge, vendue avec plein de références. Il y a des milliers de références, souvent dans beaucoup de ces lieux. Des caves à bière géantes à pas cher. C'est ça. Je voulais vraiment en faire une, mais entre-temps, en fait, j'avais mis quelque chose sur Instagram pour savoir les lieux à faire. Et quelqu'un avait proposé d'aller au Beer Experiment, on en parlera après. Et du coup, ça a raccourci un peu notre visite. Et du coup, à la place de faire le Beer Hangar et en plus d'aller voir une brasserie, on a décidé de faire uniquement la brasserie. Et pas n'importe quelle brasserie. Enfin, c'est... moi, un peu fanboy sur les bords. C'est ça. On va pas dire le nom tout de suite. C'est une brasserie qui a su remettre au goût du jour le houblon au sein de la scène craft. De la scène bière belge. Bière, mais moi, plus largement de craft. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est quelque chose où, en Belgique, on s'attend à avoir quoi comme bière ? Des trucs sucrés. Voilà. Des trucs vraiment ronds, sucrés, qui jouent sur l'alcool et le sucre. Donc, c'est vraiment, en fait, des bières où le malt a une importance primordiale. Mais là, je pense que c'est un peu eux qui ont lancé le renouveau craft de Belgique, en fait. C'est ça, ouais. Ils ont montré qu'il y avait une alternative au... Parce qu'en plus, c'était le moment où tout le monde était racheté, plus ou moins. Et donc, l'indépendance en Belgique, c'était quand même moins ça. Ouais. C'était quoi ça? Et donc, du coup, ils ont commencé en quelle année, eux? Parce que je sais pas qu'on dise le nom tout de suite. En fait, ça me fait marrer que le brasseur, c'est quelqu'un qui est né dans les débuts des années 60. Donc, en gros, qui a l'âge approximativement de nos parents. Tous ceux qui étaient dans les années 60 qui nous écoutaient, voilà le coup de vieux qu'on vient de vous offrir. Ça me fait plaisir. Donc au final, c'est quelqu'un qui a commencé à brasser en brasseur amateur dans les années 80. Et il a créé sa brasserie puisqu'il voyait qu'il y avait de moins en moins de brasseries en Belgique de petite taille. Il n'y avait que les brasseries de taille moyenne et de grande taille qui subsistaient. Il faut quand même dire qu'à la même époque chez nous, tout le monde fermait. Oui, tout le monde fermait. Donc bon, ça va. Mais en fait, c'était un peu le moment où il y avait des milliers de brasseries, peut-être. J'ai pas les chiffres exacts, je suis désolé. Mais au moins plusieurs centaines de brasseries en Belgique. En fait, il y en a vraiment une grande majorité qui ont fermé. Et cette personne, ce brasseur, a remarqué que malheureusement, les brasseries qui fermaient, c'était pas forcément les meilleures brasseries. Et c'était les brasseries qui tendaient à aller vers un goût plus rond, plus sucré, un peu plus alcooleux. En fait, il y a une uniformisation des bières belges à ce moment-là. Du coup, c'est vraiment aux alentours des années 70 que ça a commencé, où il y a eu vraiment l'hécatombe dans les brasseries pour que les brasseries un peu plus grosses se développent pour faire des bières plus sucrées avec aussi un peu plus d'alcool. On a eu la même chose en France, mais sans le sucre en soi. C'est ça, ouais. Mais je crois que ça a été un mondial sur les années 70-80 et ce qui explique aussi toute la culture, même en dehors de la bière. Je pense, En fait, les autres pays, on a eu surtout la vague fermentation basse. La Belgique a eu la vague « je mets du sucre dans ta gueule ». La fermentation beaucoup, beaucoup. Et tu deviens diabétique juste après. Mais ce qui est assez ouf d'ailleurs là-dessus, même si je divague un petit peu, quand je bosse en cave et qu'on me demande une bière belge, je dis, et après avoir posé la question « quels sont les goûts que vous aimez ?» et qu'on me demande une bière belge, donc vous cherchez quelque chose d'assez rond et sucré. Et la dernière fois, il y a une dame, très gentil d'ailleurs au demeurant, qui me dit « Ah non, non, non, moi j'aime pas les choses sucrées, mais j'aime bien la chouffe. » Il y a quand même une règle quand tu vends quelque chose à quelqu'un, c'est de pas contredire trop ton client, ce qui est logique. Et puis mon but, c'est quand même d'apprendre des choses aux gens et qu'ils soient un peu plus à l'aise avec le monde de la bière. Mais alors, qu'est-ce que tu réponds à ça, quoi ? Mais lui, il avait une réponse, en soi. Ouais. Et bien, il a gardé le côté bière belge, parce que oui, ça reste une bière belge. Enfin, on en a ramené des bouteilles, j'en ai rebu, c'est assez rond quand même. Hein. Ouais. Mais c'est pas non plus. Mais il a ajouté du houblon. C'est ça. Et donc, pour revenir sur le sujet principal, puisqu'on est en train de partir un peu loin, c'est quelqu'un qui a vraiment décidé de remettre le houblon au cœur de la bière. Et du coup, la brasserie qu'on a pu visiter, c'est De Rank, tout simplement. Oh, il a lancé le nom. Avec la double X bitter, la triple X bitter, la Glutenberg, ils font aussi. Ils ont plein de bières qui sont un peu références. Moi, la première fois que j'en ai bu, c'était il y a peut-être environ 8 ans. J'avais pas forcément directement compris que c'était belge. La première fois que j'ai bu ça, il y avait le côté un peu plus amer au final, le côté. Ce qui est pas très courant dans une bière belge. Et du coup, quand tu prends une double, une triple X bitter, la première chose que j'ai pensé, c'est les Anglais, quoi. C'est un coup des Anglais avec les bitters anglaises, des trucs comme ça. Mais il y avait un truc différent quand même. Il y avait moins de cara. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était vraiment Voilà, la première fois que j'en ai bu, je comprenais pas trop vraiment le truc. Vraiment, je pouvais pas savoir que c'était belge. Et en fait, je l'ai su pas longtemps après, en me renseignant un minimum quand même. Moi, je me rappelle bien la première fois que j'en ai bu, c'est quand je bossais encore à la caisse de bière. Et qu'en gros, on avait un rayon belge assez fourni. Sauf que moi, ça m'intéressait pas la belge parce que j'avais commencé à boire de la bière avec Grand Paris. Donc, ce que je voulais, c'était vendre déjà du local et surtout les brasseries que j'aimais bien. Donc, on avait un petit rayon local parce que, ouais, c'était quoi, il y a 5 ans, peut-être un truc comme ça. Donc, le rayon local n'était pas non plus très, très fourni. Et donc, moi, je m'acharnais. Alors, je vendais de la Grand Paris comme jamais. Je pense que la Levalloise, j'ai dû être un des meilleurs vendeurs de Levalloise d'Île-de-France. Et on tournait bien, c'était cool. Mais à un moment, Yann, il m'a dit, c'est bien, tu fais du bon taf, mais ça serait pas trop mal que tu vendes de la belge aussi. Parce que je commande des palettes, puis ça serait bien. Et puis je dis, non, mais j'aime pas la belge, c'est sucré. Et ça, il me dit, mais goûte certaines tripes. Je fais, t'es sérieux? Je dis que j'aime pas quand c'est sucré, et tu me fais. Ouais. Et là, il me dit, non, mais goûte la Guldenberg. Non, ouais, c'est ça. C'est la première bière de la brasserie, il me semble. C'est la première que j'ai goûtée. En plus, je trouvais ça super kiffant, parce que donc, il y a un espèce de petit packaging, c'est un. Espèce de feuille un peu légère, blanche et bleue. C'est ça. Donc il y a un côté un peu quali, sauf que la bouteille, elle coûte que dalle. Genre 7,58€ en cave à Paris, je crois, à la louche à l'époque. Et je goûte ça et je fais, t'es sûr que c'est une bière belge? T'es sûr que c'est une triple? Parce qu'il y avait le côté de la triple, mais il y avait, comme tu dis, plus d'amertume, plus de houblon. Et moi, c'était la première fois. Donc ça fait que 4-5 ans, tu vois, que je connais. Et ça, c'est une bière qui a été pour la première fois brassée, commercialisée, donc en Belgique, en 1994. C'était vraiment la toute première bière. On était nés. C'était vraiment la première bière de Rank, c'est justement la Guldenberg. Est-ce qu'ils ont commencé à façon, c'est ça? C'est ça. En fait, l'histoire, donc, on va reprendre justement le côté visite. On est arrivé chez De Rank, on a vu donc, la commerciale, je pense, qui s'était aussi chargée donc, des ventes sur place. De carton de Rank. Alors, vente sur place, mais vente sur place à l'ancienne, on n'est pas dans de la taproom à l'américaine où tu arrives avec tout qui est bien présenté, trois vendeurs qui disent bonjour avant même que tu es pas sympa. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre, il y a genre des palettes de fûts partout, on ne sait même pas si on a le droit de rentrer, et on voit un petit stand avec au fond, cartons. Avec genre quatre cartons derrière et un bureau, donc on se pointe, on attend un peu, on se dit peut-être qu'avec le Covid, c'est fermé, parce que ça peut arriver vu le nombre de trucs qu'on a vu fermer. Et là, il y a une dame qui arrive, ouais. Et sûrement donc, la personne dont tu parles. C'est ça. Et tu sais ce que ça me fait penser, là, en prenant un peu de recul, quand on est allé en 2016 à La Débauche. Oui, à La Débauche, c'était exactement. La même chose. Ils avaient leur prod. À l'époque, ils ne faisaient pas d'embouteillage directement. Ils ne faisaient que le brassage. Il me semble qu'ils avaient leur fût qui faisait partir ailleurs, justement, par la partie embouteillage. Et en fait, ils avaient une sorte de palette posée au sol avec quelques cartons de bouteilles. Ouais, ouverts. Et en fait, c'était vraiment, on prenait un peu ce qu'on voulait. On leur emmenait en disant, on a pris ça, regardez. Et en fait, je pense que c'était peut-être la personne qui gérait la compta ou peut-être la commerciale, mais c'était pas une vraie boutique. C'est vraiment ça. Ça ressemblait pas. Oui, c'est ça, c'est plus parce que des gamins comme nous qui passons de temps en temps, ils se sont dit, faut qu'on fasse quelque chose quand même. Et du coup, au final, c'était exactement le même style chez De Rank. C'était, il y avait quelques cartons, il y avait toutes les références quasiment. Il en manquait une, il me semble. Ouais, mais il y avait l'ordre de cartons de chaque. C'est ça. S'il n'y avait pas le petit truc en bois qui montrait, parce qu'on arrive, on demande de catalogue, enfin quelque chose, quoi, les prix. Ouais. C'est pas écrit. C'était pas écrit. Elle cherche le truc. Elle avait l'air de dire d'habitude, il y a quelque chose qui traîne. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir des gens. C'est à ça. Ce moment. Du coup, écrit au stylo, vite fait, à côté de chaque référence pour dire tenez, c'est temps. Et du coup, on a commencé à regarder les prix et on s'est demandé pourquoi c'était pas cher. Ouais. Excuse-moi quand même. À ce moment, quand tu vois qu'une bouteille de 75, elle est vendue à quoi, 4,50? Non, c'était vraiment pas mais cher. Mais bon, c'est pas ce que tu voulais dire. Je te laisse finir. Ouais. En fait, ce qu'on s'est demandé, c'était surtout. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir la brasserie, de visiter? Et là, on nous dit que Nino Bassel est là. Nino Bassel, c'est le fondateur. Et alors nous, on n'en sait rien à ce moment-là. C'est ça. C'était le fondateur de la brasserie et on fait une visite complète de la brasserie. Il nous explique tout sur la brasserie. Donc en fait, ils ont commencé en 94 en faisant du brassage à façon chez Deka. Qui était une ancienne brasserie qui n'existe plus aujourd'hui. Il me semble qu'au début, il avait même dit qu'il avait les fermenteurs les bassins. Ils n'avaient pas directement les fermenteurs fermés. Il en a parlé, ouais. Et c'était les fermenteurs un peu comme, comme les, pour faire les lambics, les trucs comme ça, les trucs. Fermenteur ou le refroidisseur? Refroidisseur. C'est ça, j'ai comme différence. Parce que c'est fermenteur ça. Ouvert, je pense que ça va être compliqué. C'était le refroidisseur ouvert, du coup. C'est ça. C'était là où voilà, aujourd'hui, maintenant, on n'a plus trop ça. Du coup, ils ont commencé en 1994. Ils ont monté gentiment leur gamme au fur et à mesure des années. Il me semble qu'en 96, ils ont dû faire 2-3 références de plus. En 2005, c'est le moment où ils ont décidé d'arrêter de brasser à façon chez Deka. 11 ans à façon, quand C'est tu vois ça. maintenant, quand tu fais déjà 3 ans à façon, t'es déjà vu comme quelqu'un, bon ouais, ce serait bien que tu trouves ta brasserie. 11 ans. Ouais, 11 ans à façon. Donc Derank a fait 11 ans à façon. Et ils ont décidé donc d'acheter leur unité de brassage en 2005. En 2007, ils faisaient environ 2... Non, ils étaient quoi? Ils étaient à 1700 hectolitres par an. En 2015, ils étaient à 5000 hectolitres par an. Et là, il me semble que dans les... peut-être que l'année prochaine, dans 2 ans, ils aimeraient bien monter à 10 000 hectolitres par an. Donc en fait, c'est leur objectif. Et il y a une grande partie, bien sûr, qui parle international. Ils bossent beaucoup avec les États-Unis, avec le Japon. On a vu une palette qui partait au Japon. Ouais. Moi, j'avais bien envie de faire un petit trou dedans et me mettre et d'attendre et d'arriver à Tokyo. Le voyage un peu moins cher, sauf que quand tu y arrives, je ne sais pas si tu es très vivant. Mais bon. Ouais, il y en a qui ont essayé, apparemment, ça ne marche pas. Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes, c'est ça. Mais du coup, mais du, ouais. Ouais, mais je reviens quand même sur ce que tu viens de dire. Sur la brasserie. C'est pas beaucoup, 10 000. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Quand tu vois que c'est une brasserie qui a une reconnaissance dans pas mal de pays. Qui a 26 ans. Maintenant. Bon, le 26 ans, du coup, ça fait peu pour 26 ans. Mais à l'inverse, le nombre de brasseries qu'on a en France qui dépasse pas du tout les 10 000. Ah non, c'est rare. Hein. Là, par exemple, Mélusine et Parisis. Je sais plus exactement. Oh là, je vais pas essayer de rentrer dans les chiffres là, ouais, de combien lune, on avait mais il reste. Enfin voilà, s'ils font 20-25, ça sera le grand max avec le matos qu'ils ont. Ouais. Donc 10 000, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Moi, ma vision, pour moi, de rank, c'était géant. Enfin, pour moi, déjà le fait d'en avoir à ce prix-là, etc., en France, c'était c'est ça. Par définition, c'était obligé d'être une brasserie enfin, énorme, quoi. C'est ça. Mais en fait, c'est leur unité de brassage qui n'est pas si grand que ça. Mais qui a une particularité. Ouais, qui a une particularité, et justement, c'est ce qui joue un peu sur la partie houblon, justement. C'est que le processus de brassage de Derank est complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Moi, c'est un procédé que je connaissais personnellement pas. C'est qu'ils font donc un empâtage classique, mais pour l'ébullition, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent donc uniquement des cônes de houblon. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire l'ébullition pendant 1 heure, 1h30, peu importe. Mais ils vont faire la partie ébullition, et à la fin de l'ébullition, ils vont laisser donc toutes les cônes de houblon s'amasser en bas de la cuve, et ensuite ils vont vider leur cuve de brassage. Et en fait, la bière qui aura été brassée va être filtrée par le houblon, par les cônes de houblon qui sont au fond de la cuve. Et du coup, il y a un côté, ça, en fait, ça remplace un peu le whirlpool qu'on a aujourd'hui. Du coup, c'était le whirlpool d'il y a 20 ans, quoi. En plus, c'est un brûleur à gaz, je crois. C'est ça, c'est une cuve inclinée. Paro inclinée. Ouais, paro inclinée, brûleur à gaz, en fait, pour qu'il y ait un mouvement dans la cuve pendant l'ébullition et que l'ensemble des cônes soient en c'est mouvement ça, ouais. Et puissent justement se voir leurs arômes être le mieux extrait possible, quoi. Et ce qui est marrant, c'est quand il nous a expliqué ça, donc on trouvait ça super intéressant, et là, et là on se pose une question, c'est... Je crois que c'est une 40 hecto, un truc ouais, comme je ça. Je pense que c'est une 40. J'ai pas, on a pu, voilà, on pense que c'est ça. Donc ça fait quand même beaucoup de cônes, mais vraiment beaucoup de cônes. Et on ah, lui dit, putain, ouais. Ah, oui. On lui dit un truc très bête, hein, on lui dit, et vous les videz comment? Et nous, on s'attend à une réponse basique du type, on est une espèce de grosse vanne, on refout de l'eau et puis voilà. Eh ben non. Eh ben non, non, parce qu'ils attendent littéralement le lendemain, ouais, parce que comme ça à 100 degrés, bah, ouais. Ils peuvent pas. Le lendemain matin, ils attendent que ça refroidisse et en fait, il y a juste un gars. Qui va dans la cuve de brassage. Dans un trou d'homme que sincèrement moi j'y trou, passe pas. Trou d'homme, ouais non, on passe pas. Tu passes toi. Bah, pour passer, il faut lever les bras. Bah, il nous a dit. Il faut pas essayer de passer une épaule puis passer le second bras. Il faut vraiment être en mode. Il nous a dit une phrase de spéléologie, il a dit si la tête passe, tout passe. Ouais. Sauf que faut imaginer que même le lendemain, je crois qu'il nous disait ouais, c'est encore à 40-45 degrés là-dedans. Ouais. Donc moi, si la tête passe, tout passe, c'est mort. Hein. Je vais cramer à l'intérieur. C'est vrai qu'il fait vachement chaud là-dedans le lendemain. Ça doit être vraiment l'enfer. Et au final, bah, quand on met 1 kg de houblon dans son brassin, bah, pour tous ceux qui ont déjà brassé, on met quelques grammes, par exemple, dans un petit brassin. Si vous êtes brasseur amateur ou même si vous êtes pro, bah, vous mettez quand même des certaines quantités. On ne va pas parler des pelets, mais vraiment pour la partie cône, ça gonfle. Ça rechoppe toute l'eau, ça gonfle. Et en fait, ils ont des centaines, ils ont quasiment une centaine de kilos à ressortir en fonction des brassins. Et en fait, tout est fait à vraiment, pelle, ça, c'est à la pelle. Le gars, il est vraiment dans la cuve. À la pelle, il remplit des sacs, il les fait remonter. Il les fait remonter par les trous d'homme et par son échelle qui doit faire. En plus, c'est haut, c'est 3 mètres. S'il y a bien 3 à 4 mètres en tout. Mais le pire, c'est qu'il kiffe surtout. Bah ouais. Et qui veut qu'on... Enfin, clairement, ils ont essayé de continuer comme ça. C'est... Ils font ça depuis plus de 15 ans. Oui, oui, mais on peut imaginer que... Dans leur petite échelle, c'est... Comme ils sont là depuis longtemps, ils auraient pu reprendre un procédé ancien et puis, bah, au fur et à mesure du temps, essayer d'aller faire autrement. Ouais. Mais non, ils s'en foutent. Bah, ils gardent les traditions. Ils n'ont pas la tradition belge des bières sucrées. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas brasser 2 jours de suite, par c'est exemple. Ça. Ils font 3 brassins par semaine. C'est ça, ouais. Ils font pas le lundi de mémoire, ils doivent faire le mardi. Parce que le lundi c'est au soleil. Ouais, c'est ça. Je pourrais c'est la ça. Couper s'il te plaît. Non, tu pourras pas la couper. C'est m'en fous, c'est moi qui monte. Yes, du coup, non, c'était vraiment, vraiment cool. Mais par contre, on a vu aussi les impacts qu'il y a eu avec la crise sanitaire, en fait, leur stock de houblon. Et juste qui est local. Immense, ouais, qui est local. Parce qu'ils bossent avec 2 houblonnières, ils nous expliquaient du coin. En fait, il y a 2 houblonnières du coin et il y a certaines variétés où ils... Qui ouais, chopent, parce qu'à gauche, il y avait clairement du Yakima. Hein. Ouais, il y avait du Yakima Hops juste à côté. Mais en gros, avec la crise sanitaire, ils ont eu vraiment le problème. Bah, ils ont réduit le rythme de brassage et leur chambre froide de houblon. On sent qu'elle est pleine et on sent que ce n'est pas forcément évident puisque c'est quelqu'un qui veut vraiment travailler avec du houblon le plus frais possible, quelque chose de qualité, notamment pour le houblon. Pour lui, c'est ouais, ça a l'air ça fait tout. Pour lui, le houblon, ça fait tout. Il faut que ce soit le truc le plus frais possible pour faire vraiment une bière de qualité. Et là, on voit qu'il était un peu déçu puisqu'il a encore le stock, même s'il est frais, il est archi bien stocké. Du coup, il n'y a aucun problème. Mais c'est ça qui est marrant, je vais faire un parallèle. C'est qu'on dit souvent que les bières, on va dire plutôt modernes, sont portées sur le houblon, que c'est très important et tout. Mais quand on a fait la visite de The Ralph et quand on a fait la visite de Doranc, ce serait pas un peu Doranc qui nous a le plus parlé de houblon au final? Ah oui. Bah, d'un côté, The Ralph, on n'a pas... Ils n'ont pas forcément parlé de houblon. Ouais. Ils n'ont pas mis l'accent sur on choisit des houblons, on fait tout ça. Alors, ils le font sûrement, ouais. Ça reste la visite qu'on en a fait. En fait, à The Ralph, ils parlaient surtout de la partie comment ils géraient l'ensemble de leur unité de production, avec comment ils brassaient, combien de fois par jour, en montrant les fermenteurs. D'ailleurs, c'était super serré chez eux. Mais avec Doranc, je pense que c'est la brasserie qui nous a le plus parlé de houblon au final. C'est ça. Et on sent que Nino, du coup, la personne qui a monté ça, tant que c'était avec un ami qui s'appelle Guido. Donc, j'ai plus le nom exact, je suis désolé, mais en tout cas ça se voit que pour lui le houblon c'est ce qui fait quasiment tout et il veut vraiment. Et d'ailleurs il nous a aussi expliqué que le problème qu'il y a eu donc dans les années 80, c'était que c'était le moment où on commençait à avoir des extraits de houblon, c'est le moment où on commençait justement à faire les pellets, les trucs comme ça. C'est là où le houblon en cône a commencé aussi à changer pour avoir d'autres usages. En fait, il a été transformé pour être utilisé d'autres manières. Ça a aussi aidé à qu'il y ait moins de contraintes. Parce qu'il a l'air de nous expliquer clairement qu'il y avait des contraintes déjà financières, parce qu'ils achètent... Bah là, au moment où on enregistre, on est en pleine récolte de houblon. Donc, il doit quasiment commander il y a un mois, pour être sûr et certain. Parce qu'il y a un mois, c'est là où ils savent à peu près la prod qu'ils auraient. Mais ils commandent pour l'année. Ouais. Donc, t'imagines, t'achètes tes matières premières pour un an. Putain, mais du coup, ils vont faire leur bière au houblon frais, là. Oui, j'ai vu, il y a l'event sur Facebook qui est passé. C'est dans pile 2 mois, là. Ils brassent aujourd'hui, demain, enfin, un truc comme ça. Et il y a un event là-bas. J'aurais bien aimé qu'on y aille. Donc, dans pile 2 mois, donc on est en septembre, ça sera début novembre. On va regarder l'agenda et on pourra. Ça pourrait être cool qu'on y aille. Ouais, on pourra faire. On pourra voir tout ça. Ça, les gens qui auront écouté ce podcast, ils auront le podcast d'après. Où on pourra. Bah, du coup, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra faire un podcast. On retournera en Belgique. Ouais. Étant donné que ça sera l'occasion d'aller voir Nino. Par contre, il faut trouver une solution au boire ou conduire. Ouais. Ça va être notre problème, parce qu'on est que deux. Et je vais pas boire pendant qu'il conduit ou inversement. Ouais. Bon, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur Doranc. Ouais. et puis qu'on risque d'en redire, a priori, vu qu'on a envie d'y retourner. Et après Doranc. Après Doranc, du coup, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est que initialement on voulait aller dans les hangars de bière pour voir justement un peu les références. Dans les hangars ? C'est ça. Et après au Mordor déposer l'anneau. Ah, je me rappelle. Mais en fait, on avait le choix entre aller donc acheter de la bière dans ces cavistes géants belges, dans les entrepôts géants. Moi, je voulais sinon, pas y aller. On avait un autre choix qui était donc d'aller voir le Beer Experience, et c'est ça qui nous a chauffé pour plusieurs raisons. On a un ami qui s'appelle Edouard, qui est houblonnier à Hasbrouck. À côté d'Hasbrouck. Un truc comme ça, à côté d'Hasbrouck. Déjà, on arrive à citer Hasbrouck, c'est déjà beaucoup pour nous. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est un pote qui a monté une houblonnière, justement, dans le cadre du Beer Experience. Ah bah non. Il a monté une houblonnière expérimentale pour lui, c'est de ça. 1 ou 2 hectares, j'ai plus le chiffre. Edouard, tu nous diras. Ouais. Et dans le cadre du Beer Experience, il en a remonté une à l'intérieur de... C'est ça. Du coup, il a repris des plans qu'il avait lui dans sa houblonnière pour justement simuler une houblonnière. Oui, parce que je pense qu'ils espéraient que ça pousse. Fut un temps. Ouais, mais après, c'est vrai que c'était pas forcément évident en intérieur. Bon, on sait que c'est pas, surtout sur 2 mois, mettre des plans en bac en intérieur pendant 2 mois, c'est pas évident. Mais au final, le rendu était vachement cool. Et ouais. Du coup, bah, on a fait le chemin entre deux rangs. On est allé directement au Beer Experience de Lille. À Lille, donc on revient à Lille. C'est ça. On aime bien les chemins utiles, nous. C'est ça. On optimise. On ouais, optimise. L'optimisation. Et du coup, bah, là, on a pu donc, découvrir ce qui a été. Il me semble que c'est qui ? C'est Échappé Bière, Culture B avec le Grand Palais de Lille. Donc, c'est les 3 co-organisateurs du truc. Et en fait, déjà, juste en voyant le lieu sans forcément rentrer dedans, on voit déjà que. Il y a la tradition brassicole autour de la métropole lilloise. Je croyais que tu allais parler de l'inverse de dehors où c'était mort. Ah oui, non, dehors. Où en fait, on a pas trouvé la sortie du parking. C'est ça, on s'est mis dans le parking, on a mis 10 minutes et au final, on a décidé, à la place de prendre les chemins qui mènent normalement vers le Grand Palais de Lille, on a décidé de sortir par la voie voiture pour ensuite faire le tour du bâtiment pour trouver l'entrée. Incroyable. Du coup, pourquoi on sait pas trop ? Bah, on était inquiet parce que bah, ça en a fini que la première question qu'on a posée quand on est arrivé, c'est. Il y a des gens, enfin comment ils trouvent ? Est-ce que c'est ouvert ? Sinon, on n'a pas pu sortir du parking. C'est ça, c'était assez particulier et étonnant. Surtout que c'était le parking qui s'appelle Parking Grand Palais. Zénith, je crois que c'est un truc commun. Mais ouais, c'était un truc qui était normalement fait pour, mais on était un peu paumé dans le parking. Mais en tout cas, ouais, donc on est allé là-dessus. Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative de faire un événement aussi grand dédié à la bière. Surtout qu'il y a le côté vraiment. Apport de connaissances. Ouais, c'est culturel. C'est ça, c'est culturel, alors que normalement, dès qu'il y a quelque chose sur la bière, c'est bah tiens, bah, l'Oktoberfest. Il y a des brasseries, on boit des bières. Et il n'y a pas forcément le côté connaissances que nous, on adore personnellement derrière. Et donc, ça avait repris, il me semble, c'est sur les 5000 dernières années. Ça reprend l'histoire de la bière. J'ai pu goûter une bière antique. Alors moi, je n'ai pas voulu goûter. J'ai plus le nom exact. Il y avait bière antique et il y avait cervoise. J'ai goûté que la bière antique, c'est particulier, du coup à vous de goûter un jour ça peut-être. Est-ce que ça veut dire si pas bon Geoffroy en particulier ? Je vais pas dire pas bon, par exemple si on... C'est vrai qu'il y avait un côté un peu comme les bières au brut, où c'est vraiment, on sent que c'est pas de la bière, mais on sent justement... Mais il y a quand même de l'alcool du coup. Ouais, mais c'est très très léger, je pense que ça doit faire c'était du 2,5, 3... C'est bon de décrire un peu. Il y avait pas trop d'acidité... une acidité très très légère, du coup pas du tout ce qu'on boit aujourd'hui maintenant. Oui, mais si tu compares à Cantillon. Oui, si on compare à Cantillon. Oui, c'était moins acide qu'une Cantillon de 20 ans d'âge. Ouais. Oui, bon, bah jusque-là. Bon, on a un ami qui est marin qui avait fait avec notre kit une fois une bière acide sans le vouloir. Ouais, mais il n'est pas fait exprès. C'était pas du tout comme ça, c'était pas l'acidité de marin. C'était pas le... Est-ce que c'était l'acidité du vinaigre qu'on a fait avec les Dudesen Beers à Bière Culte? Non, mais ça c'était... Sincèrement, chers auditeurs, j'aimerais vraiment qu'un jour vous puissiez goûter ce truc-là. C'était au niveau... Attends, mais c'était excellent. C'était excellent. C'était à la fois excellent et imbuvable pour moi. C'était une bière qu'on avait brassée pour l'anniversaire des bières cultes avec les Dudesen Beer. Et ce qu'on avait fait, c'était que c'était avec un fût d'abricots... Non, il y avait des abricots d'Ouzbékistan qui ont été mis dans le fût. Et en plus, c'était un fût de vin... Je crois que c'était un ancien... Il avait été utilisé. On avait galéré pour essayer de le nettoyer. Il a été nettoyé vite fait. Si je me rappelle de ce qui s'est passé. Il y avait plein de trucs dégueulasses. Alors nettoyer un fût qui n'a pas été nettoyé après être vidé, c'est crade. Ouais. Voilà, c'était l'info du jour. Genre, il y a plein de dépôts très bizarres qui en sortent, on ne peut pas trop savoir. Mais au final, ça a fermenté pendant un an. Ça a redécoré le plafond et la déco du Bière Culte. C'était Bière Culte Cardinal, je sais plus. Ouais, ce boulanger, on sait plus exactement, mais en tout cas c'était le truc, ça avait explosé même plusieurs fois, il me semble. Il y a plusieurs fois que l'hôtel était pas contente. Elle nous aimait beaucoup mais elle était pas contente. Mais au final on a pu regoûter ça, donc pour l'anniversaire de l'année suivante on avait regoûté la bière et c'était quelque chose. Donc goûter, c'est le mot, c'est genre une gorgée. Quand on en prend, on va pas prendre un galopin, quoi. Un galopin c'est trop. Le seul truc qu'on a dit, c'est en salade ça serait incroyable. C'est même pas galopintable. Revenons à notre Grand Palais. Du coup, on a pu goûter de la bière antique où on sentait, on sentait qu'il y avait des épices, on sentait que c'était très légèrement alcoolisé. En fait, c'était une histoire de mou légèrement fermenté. On avait l'impression que la fermentation était donc pas terminée, on savait pas trop, c'était assez particulier. On avait vu là-bas donc la houblonnière qui a été montée par Edouard. On a vu, il y avait une sorte de laboratoire. Puisque Pasteur a fait ses recherches, il me semble, à Lille, Du coup, ça a repris justement l'histoire de Pasteur, les levures, la pasteurisation, tout ce qui a fait au final en partie bah, les bières qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a des bières qui ne sont pas acides. C'est ça. Mais les bières acides, c'est très bien quand même. Oui, mais elles sont maîtrisées. Avant, ça ne l'était pas. C'est ça. Il y avait tout ce qui était, il y avait une sorte de petite brasserie. Il y avait une petite brasserie avec bon cassage de malt, une unité de brassage d'un fournisseur qui fait des petits modèles de brasserie. Je sais qu'on a pris la plaquette. Deux, trois, il doit y avoir la plaquette qui quelque part traîne quelque part. On avait part. Dit que ça avait l'air vachement bien. Ouais. Du coup, il faudra qu'on regarde un jour. Il y avait des ateliers olfactifs où ça, c'est toujours un peu difficile à réaliser puisque c'est souvent les pastilles qui ont un goût très fort avec des arômes, donc café, passion. Et souvent, ça évite l'odeur. Spray à chiottes. Ouais. Du spray à chiottes ou des petits sapins que tu mets dans la voiture, genre parfum fraise. C'est-à-dire que tu fais partie des gens qui mettaient le sapin dans la voiture ? En fait, mes parents ont un chien qui pue. C'est un choix de vie, ça. Et pour essayer de compenser, ils mettent des petits sapins, genre à côté du chien, donc à côté de la partie dans le coffre où le chien se met quand ça bouge. Ils mettent 2-3 petits sapins pour éviter qu'il y ait des odeurs trop fortes de chien, puisque c'est vraiment un chien qui a une haleine épouvantable. Donc, ouais. La petite pastille passion t'a rappelé un petit peu tes voyages en famille. C'est ça. Sauf qu'il n'y avait pas la superposition d'odeur du chien. Fromage avec des vers dedans, ouais. Dedans quoi. En plus. Donc, c'était. Genre, on ferait une expo pour comparer les odeurs de chien et les odeurs de fromage avec des vers dedans. Non, mais l'odeur, je pourrais m'en passer de celle-là. Bref, il y avait aussi donc, tout ce qui était matériel ancien. Il y avait une voiture qui était exposée, où ça devait être une ancienne voiture d'une brasserie qui devait faire justement servir pour les livraisons. Une petite partie musée, un petit peu, quoi. Ouais. En fait, c'était un musée. C'était vraiment dans l'ordre chronologique, de moins 5000 ans jusqu'à aujourd'hui. À la fin, il y avait des petites stands. Il y avait quelqu'un qui réutilisait les drèches pour faire de la nourriture. On n'a pas eu trop l'occasion de voir ça plus en détail, mais je pense que vous pouvez vite retrouver sur des articles. C'est surtout qu'à l'heure, on y a été, parce que c'était quasi à la fermeture. Ouais. Parce que vous imaginez bien que dans ce qu'on a raconté, on n'y est pas arrivé à 15h. On a fait le resto, on est allé en Belgique et on est revenu, on est arrivé en fait vers 17h et le Beer Experience fermait à 18h. Donc on est passé vraiment au coup de vent et surtout, en fait, on n'a pas fait l'expo de manière classique. C'est que quand on est arrivé, on a vu donc notre pote Edouard qui était en train de changer certains plans de houblon dans la houblonnière. Et on a proposé notre aide, comme d'habitude. Mais il était en galère. Dès qu'on croise des copains. Et en fait, on a passé une demi-heure, 40 minutes à trimballer des gros pots de terre. Qui étaient très lourds. Ouais, avec des lianes de houblon. Ouais, c'était quoi ça ? C'était plus lourd qu'un sac de malt. C'était un gros sac de malt. Ouais, c'était lourd. Donc on va dire que c'était plus du 25-30. Donc on a joué aux apprentis houblonniers à l'intérieur du Grand Palais. C'est ça. Ou du coup, avec les grandes perches, pour faire passer justement les fils de houblon, c'était... On a pris plein de trucs, en vrai. C'était une bonne expérience. On a goûté sur place. Bah, en fait, avec le ticket de Beer Experience, on avait droit à une consommation. Du coup, on a pris de la limonade. Ouais, de la limonade. Comme ça, vous pouvez savoir d'où ça vient. Hop, ouais. C'est le petit jeu. D'où vient la limonade ? La limonade. Et ensuite, on a repris un petit verre très rapide avec Edouard en prenant la bière avec le moins d'alcool pour moi, étant donné qu'on allait reprendre la route juste après pour aller justement voir sa houblonnière. La houblonnière et le coucher de soleil qui va avec. Il est 20h à peu près, je crois un truc comme ça, 20h, même un peu plus. C'est ça. Et là, il nous apprend, bon, nous on pensait que c'était à côté de Lille, parce qu'en géographie on n'est pas très très doué. Donc en fait, dans sa cam à 40 minutes en voiture de Lille. C'est ça. Donc on lui dit, ok, rendez-vous là-bas, il nous file l'adresse. Et là, il y a eu une période de flou, parce que c'était une organisation un petit peu improbable. Donc ça, dans la finalité, parce qu'on va essayer de passer les demi-heures de galère, on a été chercher des frites. Ouais, sur la grande place de Hasbrook. De Hasbrook, voilà. Et on le retrouve là-bas, donc... plusieurs champs au milieu, un magnifique champ de houblon, parce que voilà, début août, niveau même les fleurs, elles étaient quand même bien sorties, c'est ça. C'était quand même assez joli. Et là, un barbecue, le coucher de soleil, et notre pote habillé avec son bleu de travail en disant « Eh les gars, vous avez des merguez !» C'est à peu près ce qui s'est passé. Et donc on discute forcément, ça faisait un bout de temps qu'on ne l'avait pas vu, donc on lui raconte que Edouard a eu une vie passionnante, donc il avait commencé à faire, il a fait Ferrandi. C'est ça. Après, il a surtout monté les dîners bons. Qui était une asso qui faisait des dîners. Voilà. C'était monté vers 2015, quelque chose comme ça. Je ne sais plus la date. Et en fait, c'est lui qui a instauré le terme vraie bonne bière. C'est ça. Tout au début. Et donc, ouais, il faisait des dîners où il invitait des chefs et il mettait de la bière au centre de la table, comme il nous disait à l'époque. Mais surtout, c'est le moment où je pense qu'on peut le remercier parce que dans la plupart des événements qu'on a pu faire au début de Beemaker, c'est quand même grâce à lui. Parce que c'est lui qui nous a invités, que ce soit sur le bar Hop Up et tout ça. Bon, bref, bon, ce sera l'occasion un jour de l'inviter sur un épisode sur le houblon, peut-être, c'est et ça. De parler un peu de tout notre passif ou ensemble. Faire une petite vidéo dans sa houblonnière. Ou faire une vidéo. Bah, vous le voyez d'ailleurs dans le petit extrait vidéo qui est partagé avec le podcast, on le voit en bleu de travail dans sa houblonnière. Et il nous a fait une petite visite avec toutes ses variétés. Donc, c'est une houblonnière expérimentale, dans le sens qu'il n'y a pas qu'une variété par hectare, il y a une variété par rang. Donc, ce qui était ultra intéressant, je trouve, c'est qu'on a vu la différence entre les différentes variétés. Et que quand on te dit qu'une variété elle est un peu plus robuste qu'une autre, c'est pas que sur le papier, en gros. Et ça explique aussi un peu, je trouve, les différences de tarifs qu'on peut avoir. Il n'y a pas que le côté brevet, quoi. Il y en a où c'est vachement compliqué, quoi. Ouais. Bon, en fait, il y a certaines variétés. En fait, déjà, juste pour voir l'organisation d'une houblonnière, parce qu'on ne sait pas forcément toujours comment c'est fait. Donc, il y a des poteaux, des fils qui sont... Sur les poteaux, il y a des copains. Il y a des poteaux. Je marque des points là sur celui-là. Il y a des fils qui sont tendus entre chaque poteau. Et en fait, on va dire que sur un hectare, il y a peut-être une quinzaine de rangées. Et chaque rangée, ce que les houblonniers font, c'est qu'ils mettent une variété de houblon. Et ce qu'on a pu voir justement, c'est que sur ces rangées de houblon, il y avait certaines variétés de houblon où il pouvait y avoir zéro fleur de houblon. Il y avait certaines rangées de houblon où les plantes n'avaient pas bien pris. Il y avait d'autres rangées de houblon où justement là, on avait vraiment beaucoup de cônes de houblon. Et du coup, ça montre aussi un peu le côté résistance déjà des différentes variétés, puisqu'il y a des variétés qui sont vraiment extrêmement résistantes aux maladies. Alors, pour rappel, juste parce que je suis pas sûr que tous les gens qui nous écoutent savent ce que c'est que le houblon. Non, mais si, c'est bête, mais... Donc, le houblon, c'est un des ingrédients de la bière, voilà, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est surtout qu'en fait, c'est une plante grimpante. Donc, ça peut monter à 5, même plus mètres de haut, 8 même. Et donc, c'est obligé d'avoir une ficelle qui va les retenir. Donc, c'est très en hauteur, ça prend de la place. Ouais. Et ça demande une installation mécanique, disons, ouais, un peu importante. Donc, il y a des tiges qui sont tirées en hauteur à 5-6 mètres de haut. Après, il y a des ficelles qui y sont accrochées, ouais, et le houblon pousse autour. Après, il y a aussi l'espacement entre chaque plant. Et en plus, entre chaque rangée, il faut qu'il y ait un espacement qui soit suffisamment grand pour le tracteur, pour faire passer un tracteur, donc un petit tracteur, mais aussi suffisamment petit pour éviter non plus pour faire juste trois rangées de houblon et pas un hectare entier. Donc il y a vraiment le côté entre praticité, rentabilité de la houblonnière. C'est vraiment pas évident forcément tous les jours, je pense. Surtout quand tu fais une houblonnière expérimentale. Ouais. Donc d'ailleurs, il nous expliquait que fallait faire plusieurs hectares. Donc si vous avez envie de vous lancer dans le houblon, n'importe où, pensez donc à la terre, ça c'est un petit peu la base, mais c'est surtout au nombre d'hectares que vous allez faire. C'est un peu l'information qu'il nous disait, c'est qu'il attend, pour être rentable en soi, de mutualiser les achats qu'il a fait avec plus d'espace. Quoi. C'est ça, il veut rajouter 2 ou 3 hectares, il me semble, pour atteindre la rentabilité. Du coup, c'est aussi quelque chose qu'on a discuté, c'est que le houblon, quand c'est un petit producteur, les prix sont assez conséquents. On va peut-être pas donner les tarifs pour qu'il soit rentable sur son hectare, mais... C'est pas du tout le prix qu'il le vend, et surtout sur tous les sites, je pense que même si on prend le houblon le plus cher qu'il y a sur les sites spécialisés, si on va sur Rolling Beer, si on va sur Brouland, ou même si on va sur les sites La Coupe Boudal, les trucs un peu plus orientés pro, vous prenez le houblon le plus cher... Ça sera moins cher. Pour qu'il soit rentable, il faut que ça soit vendu bien plus cher que ça. Et même si vous prenez le houblon bio qui est rare... Il est en bio, on n'a pas précisé, il est en bio. Et du coup, ouais, il y a vraiment un prix assez important. Et aujourd'hui, vous connaissez des brasseurs, par exemple, qui ont besoin de houblon, se maquer avec des des houblonniers, ça peut être intéressant aussi bien déjà pour le brasseur, mais aussi pour le houblonnier, puisqu'ils ont vraiment besoin de quelque chose de stable pour pouvoir continuer à se développer. Et la filière du houblon, bah, ça a vraiment besoin d'avoir de nouveaux acteurs. C'est clairement pas la même temporalité, surtout. C'est ça. Quand tu vois que quand tu plantes du houblon, t'attends à peu près 3 ans pour avoir ton plein rendement par plant. Ou alors quand on te parlait avec la Copoudal, qui d'ailleurs s'appelle Hop France maintenant, et qui nous expliquait que... quand ils font de la recherche sur du houblon, c'est 10 ans. Ouais. Quand on voit les modes sur les bières, et je prends juste les doubles IPA des 4 derniers mois, j'ai l'impression que chaque mois, il y avait un nouveau houblon qui était à la mode. Ouais. Donc, il y a quand même une temporalité qui est différente entre les 10 ans de recherche, les plusieurs années pour faire pousser, les brassages qui se font, on va dire en un mois et demi max, tu as une bière à peu près, et le consommateur qui change avant même que la prochaine bière soit prête, ils ont déjà changé de mode. Ouais. Donc ouais, il faut penser à ça aussi quand on consomme, je pense. En fait, c'est ça. Par exemple, si un houblonnier veut planter du citre, non, du citra, il peut pas. Il peut pas. Il a pas. Il peut pas. Il... Du cascaille. Il a pas les droits. Donc si un houblonnier, puisqu'il y a certaines variétés de houblon justement qui, il y a des droits dessus. Merci les et Américains. Du coup, on ne peut pas cultiver n'importe quelle variété. Du coup, si vous avez des bières avec du citra dessus, bah en fait, le Googlonier a dû payer justement une licence pour avoir le droit de l'exploiter. Mais du coup, si on prend l'exemple du Centennial, je pense que le Centennial c'est bon. Le Cascade, je suis sûr que c'est bon. On va partir sur le Cascade. Voilà, dans ce cas-là. On dit pas de conneries. Si on prend le Cascade, donc il n'y a pas de problème là-dessus, on peut le cultiver, mais imaginons que là ce soit la mode du Cascade, même si il y a plus de 3 ans déjà, voire plus 4. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bref, Cascade. Imaginons que le Cascade, ce soit vraiment la chose qui soit à la mode. Il faut savoir que le houblonnier va donc cultiver en labo donc des plants femelles qui soient résistants pour pouvoir justement être plantés et du coup pouvoir créer des fleurs par la suite. La première année, la rentabilité est quasiment nulle en soi. Ouais, ça pousse pas beaucoup. Je sais pas si vous avez des amis, si vous avez déjà fait ou en gros quand vous cultivez votre première année le houblon. Vous avez des cônes, oui, mais on va dire que par plan, il n'y a pas non plus grand-chose. La deuxième année, il y en a un peu plus, mais il me semble que c'est à partir de la troisième année que le houblon commence à devenir vraiment intéressant. C'est le moment où il atteint sa maturité. Et après, le plant de houblon, ça vit quoi? Ça vit une dizaine d'années, il me semble. J'aurais tendance à dire en fait 10 et 15. Ah, moi, j'étais à 30 hein, dans ma tête. Ouais. Ça dure quelques années, voilà. À vérifier. Faisons une moyenne à 20. C'est ça. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose qui n'est pas évident, puisque imaginons qu'il y a 5 ans, bah, les houblonniers aient décidé de faire plein de cascades, puisque le cascade, c'est la mode. Aujourd'hui, bah, on voit plus du Centennial, du même mosaïque, c'est plus trop à la mode. Du Citra. Ça revient un peu, le mosaïque. Ouais, j'en ai eu des single-up mosaïques, j'en ai revu à la cave. Mais en tout cas, ouais, tout ce qui est Centennial, Citra, mosaïque, bah, ça, si c'est planté aujourd'hui, ça se trouve que d'ici un an, deux ans, bah, en fait, il y aura une perte d'intérêt. Pas total, mais une grande perte d'intérêt sur ces houblons. En fait, il y aura d'autres variétés qui vont sortir, qui vont être plus intéressantes, plus aromatiques, ou peut-être que les gens vont peut-être se lasser un peu de ces goûts qui sont trop, un peu trop aromatiques, peut-être pour retourner sur quelque chose de plus simple. Du coup, est-ce que les houblonniers doivent faire les nouvelles variétés, faire les variétés standards qui sont utilisées? Est-ce qu'ils doivent faire du houblon aromatique ou amérisant? Quel est l'intérêt bah, au final? Nous, il nous expliquait que là-dessus, il essayait de prévendre, on va dire, avant de planter. Ouais. C'est-à-dire qu'il veut bien investir, parce que c'est un coût, hein, clairement, on sait pas quelques milliers d'euros hein, par hectare, c'est bien plus que ça. Et il essaye de prévendre à un brasseur de se maquer, hein, comme tu dis. Ça. On se maque à des brasseurs, ou des brasseuses d'ailleurs, mettre la variété que le brasseur s'engage, si, ce principe de se maquer, tu vas me dire. Bon, moi, je l'aurais expliqué si les gens ne connaissaient pas. Mais je pense qu'on a à peu près tout dit sur la houblonnière. Enfin, ouais. Il y a plein de trucs qu'en fait, on pourrait parler des heures de houblon. Ben c'est ça. Mais on va continuer à en parler de houblon. Parce que quand on est arrivé chez Edouard, on s'est un peu dit qu'il fallait qu'on dorme. Parce que quand il est 20h et que t'es à Hasbrook, c'est bien mignon, mais il va falloir pioncer quelque part. Ouais. Et donc, on s'est décidé de monter en Belgique pour la deuxième fois de la journée. C'est ça. En fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'avant d'arriver chez Edouard, il était quasiment 20h. On a décidé de partir. En fait, il fallait juste qu'on réserve un hôtel. Et on a décidé de réserver un hôtel aux alentours de Poperinghe. On repart de notre barbecue improvisé dans la houblonnière d'Edouard et on se dirige vers la Belgique pour la deuxième fois de la journée. Il est quoi, 22h quand même, un truc comme ça, 22h, parce qu'on avait quand même... On cherche l'hôtel, on l'avait cherché un peu avant, on galérait. C'est ça, en fait, initialement, donc on avait cherché à Poperinghe et on est allé au final à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres. Et pourquoi Poperinghe? Poperinghe, c'est parce que normalement, c'est ce que disait mon grand-père déjà, c'est que c'était, c'est familial, c'était la partie vraiment de la Belgique qui était consacrée au houblon. Et en fait, j'ai ouï dire qu'aux alentours de Poperinghe, il y a donc beaucoup de houblonnières. Il y a le musée du houblon. Et après, il y a aussi plein de petites brasseries qui sont dans le coin. Quoi. Du coup, c'était vraiment l'occasion d'aller dormir là-bas pour que le lendemain, on puisse visiter des choses intéressantes. C'était quand même à 40 minutes de là où on était. Hein. C'est genre ça. Genre le à côté. C'est ça. Au final, ouais, donc on a chopé un hôtel qui était donc à Ypres, hein, qui est une ville un peu plus loin. C'est une ville qui est vachement agréable. Grave. On a eu une chance incroyable d'avoir un hôtel qui était sur la Grand Place. Non, c'était Ypres, vraiment top. Et il y avait une sorte de grand... Il y avait un beffroi, il y avait un énorme musée. Et en fait, tout a été rénové dans la ville, justement comme c'était donc, avant, puisqu'il y a eu beaucoup de bombardements là-bas. Beaucoup de dégradation et du coup ils ont tout reconstruit et c'est vraiment une ville qui est très très jolie. Rien qu'en arrivant en voiture, bon on fatiguait un peu, mais en arrivant en voiture, ouais. Il y a un côté waouh, c'est super bien éclairé, ils ont encore des lumières jaunes, donc ça c'est cool. On n'est pas sur de la lumière bleue LED et tout. Et ils éclairent leur bâtiment. Après, il y avait un côté assez haut de gamme, assez bourgeois quand tu rentres dans la ville. Carrément. Tu vois les terrasses, tu vois les bars, tu vois les restos. Oh, tu sens que tu n'es pas dans la ville de dépravé ou la ville étudiante. Hein. C'est ça, et quand tu vois surtout les monuments historiques, un peu au coin de la rue, tu vois le bâtiment qui doit faire 200 mètres par 200 mètres quasiment. Oh, même plus. Ouais. C'était grand. Il était très grand. Immense, c'était immense. Et surtout, ce qui était grave cool, c'est que donc on voit ce magnifique bâtiment. Je sais pas de quel style, de quelle année, parce que je n'y connais malheureusement pas assez. Je peux pas dire. Mais donc quelque chose d'assez ancien avec un peu de rénové. Je pense qu'il y avait des trucs qui étaient rénovés dans les 1700, 1800, assez facile. Et on fait le tour pour se garer. Et derrière, il y a une cathédrale. C'est quand même ultra classe. C'est-à-dire que t'as un super bâtiment à côté d'une super cathédrale. Et on voulait visiter. Et le problème, c'est que il était 22h30 et que comme vous vous en doutez, c'était un petit peu fermé. Et du coup, on est allé se coucher, tout simplement. Voilà, fin, merci rideau, à la semaine prochaine. Tout ça pour vous dire qu'on a dormi. C'est ça, c'était fort agréable de se reposer après cette grande journée, après avoir fait trois passages de frontières, après avoir fait le Birbuik, Blomke, de rank, d'aller voir Edouard dans sa houblonnière, de faire le Beer Experience. On a enfin pu se reposer pour commencer une nouvelle journée. Du coup, le lendemain, première chose à faire, c'était regarder vraiment quel lieu bière était aux alentours. On savait, donc on avait des idées en tête, mais on voulait voir justement, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres petits endroits à découvrir. Et première bonne surprise, il y avait une cave à bière qui s'est située à peut-être 40 mètres. Ouais, elle était loin de l'hôtel. De notre hôtel. 40, même 30. Donc, on a vu ça, on s'est dit, tiens, ça va être notre première étape. Avant de sortir de l'hôtel, bien sûr, on a profité d'un bon petit déjeuner. Avec les crises sanitaires, c'est toujours un peu difficile. On a fait plusieurs hôtels en Belgique, en France, et à chaque fois, les petits déjeuners d'hôtel qui sont en général un peu en mode buffet où on sert soi-même, c'est soit annulé, soit ça a des conditions très très particulières où il faut aller chercher un plateau un peu comme à la cantine. On a eu ça, je sais plus, à Bruxelles, non, à Gand. On a eu ça à Gand. En fait, on avait une sorte de plateau repas où on devait chercher deux, trois choses. Et après, on devait remonter dans notre chambre avec le plateau. C'est un petit peu le type, ce voyage Covid. C'est ça. Méfiez-vous des petits déjeuners parce que du coup, les buffets, ça n'existe plus. Là, à Lille, on avait un buffet, mais un buffet où tout c'était que des trucs indus sous plastique. C'est ça. Et c'est un peu mais il y avait à Lille, on avait des pinces qui étaient allouées à chaque personne pour pouvoir se servir des choses pour justement ne rien toucher. Dans les autres, à chaque fois, sinon il y avait des sortes de faux petits buffets. Mais là, par contre, à Ypres, dans l'hôtel dans lequel on était, c'était vachement cool, puisque du coup, il n'y avait plus le côté buffet, mais par contre, c'était un peu service à table où on avait chacun notre petite corbeille avec plein de pains différents, quelques petites viennoiseries, et ils venaient vraiment nous demander si on voulait. Ils étaient gentils, ils étaient très gentils. Ah, ils étaient agréables en Belgique en général. Ouais, mais c'est facile de dire en Belgique en général, hein, cette phrase. Voilà. Dans le fond, il faut quand même noter quand les gens sont vraiment gentils. On sait que les Belges sont top. Non, ça c'est parce que tu crois pour toi, c'est tout. C'est tout, c'est pas parce que t'es belge. La preuve, les Belges sont pas tous top. Et voilà, on a un exemple, j'ai un exemple en face de moi. Enfin bref, de parler d'hôtel. On a fait la petite cave à bière qui était juste à côté. Il y avait pas mal de références, mais il y avait surtout des bouteilles. Des bouteilles un peu chères. Il y avait les bouteilles, je sais plus exactement le nom de la brasserie. C'est bien, on a vachement préparé cette partie. C'était quoi? C'était un moment radiophonique absolument passionnant pour les auditeurs. C'était De Struze. Il y avait de la Panpot 2015, ça je m'en rappelle. Ouais. Mais il y avait Panpot de même 2000, encore plus vieille. Il y avait deux 2012 qui traînaient. C'est ça. Il y avait deux 2012 et des 2015. Et des Damnation. C'est ça. Si je me trompe pas. C'est ça, Damnation qu'il y avait. Qui était à 34€, ce que tu coules. 2016 ou 2017, je sais plus. Bref, on a failli craquer. On a failli craquer, mais on s'était dit que on avait encore d'autres choses à faire. Surtout qu'à ce moment-là, ça fait quoi? Ça fait un jour et demi, on a fait deux nuits, on n'était pas vraiment censé partir bien longtemps. C'est ça. Donc on commence à se demander. Moi, c'est un peu aussi le moment où j'apprends que le chat que je devais garder pendant 10 jours, je devais le garder depuis la veille. Ouais. Ce qui est un problème quand t'es genre en Belgique et que le chat il est à Paris et que tu dois garder le chat. Donc on commençait à être un peu pressé, mais il y a quand même des trucs qu'on voulait faire. Donc Après le petit-déj, après la visite justement de la petite cave à bière, on a décidé de se rediriger donc vers Poperinck, qui était justement entre la houblonnière de Édouard et notre hôtel à Ypres. Du coup, c'est un petit musée où l'entrée est pas trop chère, c'est aux alentours de 6 euros par personne, donc c'est vraiment le truc facile, ouais, d'accès et peu onéreux. Et c'est quelque chose, c'est un bâtiment qui reprend donc l'histoire du houblon, notamment aux alentours du 18-19e siècle. Le truc à peine de niche, tu vois. Ouais, c'est le truc. En fait, ça a repris. Avant, c'était donc la maison de la pesée. On pesait le houblon, on le traitait, on le conditionnait. Le musée, lui, a été ouvert donc sur l'ancien lieu donc de la maison de la pesée. C'était ouvert en 1979 et ensuite il a été rénové en 2005. Donc il y a trois niveaux différents. On commence du troisième niveau, on redescend en bas et en fait on reprend vraiment l'ensemble de l'histoire du houblon. D'où proviennent les houblons, comment ils sont retrouvés donc aux alentours de la ville de Poperinck, quelles sont les variétés qui existent, toute l'histoire qui est derrière, avec notamment tout ce qui est religieux, les saints patrons de la bière, les choses comme ça. Ensuite, sur le deuxième niveau, on a vu donc le houblon, comment il est cultivé. On a des outils de travail qui est utilisé dans les houblonnières, enfin qui étaient utilisés dans les houblonnières, puisque maintenant ça s'est un peu modernisé quand même. On sent que toi t'as saigné l'audio guide. Ouais. Parce que moi, genre au bout du 10e, 15e numéro, j'ai commencé à dire je vais faire des photos et des vidéos, hein, parce c'est que ça. C'est bien choupi, mais. Moi j'ai craqué à partir du 35e. Ah ouais, quand même. Il y avait quand même beaucoup mais de numéros. Il y a plein de trucs super intéressants, c'est mais ça. Trop de numéros à mon sens. Ben, en fait, le problème, c'est que. Enfin, le problème, c'est vachement intéressant, il y a vraiment beaucoup d'informations. Après, il faut aussi savoir trier entre ce qui vous intéresse le plus ou pas, puisque si vous décidez de tout écouter. Déjà, la visite, elle va être longue, ouais. Quand même. Le temps de tout voir, le temps de tout écouter, de tout lire en plus. Non, c'est vraiment quelque chose qui peut être un peu long. C'est grave complet. Mais voilà. Par contre, ouais, c'est assez complet. Donc là, on avait vu donc, tout ce qui était cultivé. Il y a des sortes de petites maquettes de houblonnières. C'est ça qu'on voit dans la vidéo, ouais. Maquette. Je me suis bien amusé. Et j'ai plein de plans, si tu veux. Je. Et on voit avec mon audio guide derrière. Après, donc, là, on avait vu donc troisième, deuxième niveau. Au premier niveau, il y avait comment, en gros, c'était récolté. Et ensuite il y avait tout ce qui était la partie traitement, le séchage, le conditionnement, et tout ça. Mais du coup, sur le musée, moi j'ai un sentiment un peu mitigé quand même, puisque c'est vachement intéressant, mais ça reprend pas forcément le houblon d'aujourd'hui. En fait, il y a vraiment le côté où c'est ce musée, bah, ça, je sais pas s'il y a eu beaucoup d'évolution depuis 2005, je sais pas si dans le contenu il y a eu non plus énormément d'évolution depuis 1979. Il y a eu forcément des petites nouveautés, mais en fait, il y a beaucoup de choses où c'est comment était cultivé le houblon avant. On parle un peu de comment c'est fait aujourd'hui, mais on ne parle pas non plus du houblon, comment c'est utilisé aujourd'hui. Moi, ce que je regrette, je suis d'accord avec toi, et je pense qu'en fait, c'est lié au nom du musée. Pour moi, ce n'est pas le musée du houblon, c'est le musée du lieu qu'on a visité, ça. Et ça refait un peu l'histoire du lieu en rodant autour, quoi. C'est ça. Et je crois que c'est sur ça que moi j'étais un peu déçu, c'est qu'on m'aurait vraiment tout balancé sur le bâtiment, le fait qu'il était utilisé à quelle époque et qu'on me faisait un parallèle avec ce qui était utilisé à cette époque-là, c'est cohérent. Ouais, faire un Hop Museum en Belgique et bizarrement même, parce qu'on revient dessus, pas parler de Rank. Ouais. Il me semble qu'il n'y avait même pas, on parlait pas ou peu des pelets. Moi j'en ai pas souvenir, c'est possible qu'ils en aient parlé. Alors c'est peut-être entre le numéro 30 et le numéro 95. Ouais. Et même tout ce qui est, même aujourd'hui maintenant, il y a plein de brasseries, ils utilisent du houblon cryo, ils utilisent plein d'autres choses. Et, ouais, les nouvelles méthodes. Et en fait, les nouvelles méthodes, bah, au final, on sait pas trop. Bah, on est vraiment sur la culture du houblon il y a 30 ans, comment on pouvait l'avoir, l'histoire qu'il y avait derrière. Et du coup, ouais, c'est vrai c'est que. C'est bien cohérent musée, avec un truc, c'est la difficulté de la Belgique à se. Pas se mettre au goût du jour, parce qu'il y a des très très bonnes brasseries, plein de trucs qui font des trucs super intéressants, mais à mettre à jour leur culture, ouais. Là-dessus. Ils en ont beaucoup souffert et ils continuent à en souffrir, entre guillemets, un peu à cause de ces lieux-là. Parce que finalement, t'as beaucoup de mal à faire exister la culture plus moderne, enfin même coexister, parce que notre intérêt, c'est pas de supprimer ce qui s'est passé, c'est justement de partager ça, quoi. Et ça me fait un peu chier. Ouais. Parce que dans le fond, il y a plein de trucs qu'ils pourraient raconter, mettre en avant des nouvelles brasseries, des nouveaux trucs. Même bêtement, le houblon suranné, les lambics, tout ça fait partie de leur patrimoine. Ils n'en parlent pas. Non, pas du tout. Donc je sais pas comment ils ont pensé leur truc. Moi j'ai kiffé le musée parce qu'il y a quand même pas mal de petites installs, c'est joli. Ouais. En fait, c'est un musée historique sur la bière en général. Je pense peut-être sur la bière, que les gens connaissent aujourd'hui. Du coup, pas forcément les gens passionnés de bière, mais le grand public, quand ils pensent bière, ils pensent au bruit. C'est un musée, hein. C'est pas un musée à bière geeks. Ça, c'est... Mais du coup, une petite initiation, juste comprendre que derrière, bah, il me semble qu'il y avait des bouteilles de Cantillon qui étaient exposées, puisqu'en fait, à l'entrée du musée, il y a peut-être un millier de bouteilles. Alors, il te semble. Alors, il faut quand même savoir que quand on est rentré et qu'on a vu les bières, la première chose que tu as dit, c'est « Elle est où la Cantillon ?» Oui. Donc, c'est pas que tu penses, c'est que tu l'as cherché, la Cantillon. Oui, je l'ai cherché. Et que d'ailleurs, sur la vidéo, on te voit, là, c'est devant l'écran. Moi, je vois très bien où c'est. Bah, en fait, il y avait un petit écran qui était dans le musée, on pouvait voter pour ses bières belges préférées. Le classement, c'était quoi? Ça devait être Schouf en premier. Veselteren, je crois. Il y avait peut-être Veselteren, une Saint-Bernardus après, je ne sais plus exactement. Mais du coup, j'ai regardé la liste des 50 premières et. Bon, c'était des bières classiques belges. Ouais, mais à l'inverse, okay. On est d'accord, on prend ça. Donc on va se dire que la personne, c'est celle qui connaît la Schouf, la Duvel et qui vient là. Consommateur assez lambda de bière belge. Est-ce que tu penses qu'il en a pour son argent? Enfin, pas pour son argent, parce que c'est 6 balles, mais disons-le autrement, est-ce que tu penses qu'il a les infos qu'il a envie d'avoir? Même pour son argent, pour tout, oui, je pense que c'est un musée qui reste un musée de qualité, on apprend beaucoup de choses. C'est pas un musée en mode, tiens, bah, on vous montre 2-3 trucs. C'est vraiment quand même quelque chose qui reste complet, sauf qu'en fait, on a juste tronqué la partie sur le houblon aujourd'hui et 2-3 petites infos, mais au final, il y a quand même la majorité des informations, notamment historiques, avant le 19e siècle, qui sont présentes à mort, du coup. Oui, je pense que quelqu'un qui s'intéresse de loin à la bière, je pense qu'il peut être vraiment très content d'aller voir ce musée. Je pense qu'il a tout. C'est marrant parce que j'en ai dit inverse. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression que ça répond pas en fait à l'envie de ces gens. L'envie de ces gens, ils veulent vivre un truc un peu d'expérience où on va parler des monastères, on va parler de tout ça, et ils en parlent pas. Ils parlent de l'histoire des saints, etc., mais ils parlent peu de la bière faite dans les monastères. Ils parlent peu de tout ça. Ils se concentrent beaucoup du coup sur le houblon et ils sont un peu paumés là-dessus. Après, ils se concentrent sur le houblon, c'est un peu le. Et pour moi, c'est trop dense et il y a trop de numéros, comme on disait sur l'audio guide, pour intéresser justement ces gens-là qui vont chercher quelque chose d'assez direct et ils veulent apprendre des trucs. Donc je pense qu'il y a bizarrement trop d'infos sur une période trop précise pour que ces gens-là, c'est très très hautain ce que je viens de dire, pour que du coup ces passionnés de bière plutôt belge, ça va, c'est mieux, ils trouvent leur compte. Moi je trouve que non, je pense que je vais rester quand même sur mes positions comme quoi. Il y avait quand même les schémas des églises, des monastères, il y a eu une petite partie là-dessus, un demi-étage quasiment, qui reprenait ça, un tiers de l'étage. Et non, je pense que c'est quand même assez large. Mais après, oui, c'est vrai que si tu veux tout suivre de A à Z, tu te classes au milieu. Du coup, si c'est pour suivre les deux premiers étages, il n'y a pas de souci. Encore le deuxième, c'est celui sur la culture du houblon. Et vu tous les ustensiles qui sont utilisés, tous les accessoires qui sont utilisés pour récolter le houblon, pour travailler la terre, les choses comme ça, c'est vraiment trop long. Mais par contre, je pense que si quelqu'un s'intéresse au truc, il peut aussi s'il arrive à sélectionner en fait les différentes parties, ça peut être intéressant. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu trop long. Mais je pense qu'il y trouve quand même son compte et surtout le prix. Ouais, non, c'est clair. Un musée qui est à 6 euros, où tu peux rester 2h30 à 3h dedans sans souci. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est clair. Souci. Donc en repartant de ce musée avec un avis mitigé quand même, ouais. Où est-ce qu'on a été? On est allé à la brasserie. On va refaire un truc où les gens savent de quoi on parle. Non, bah, si, justement, faut qu'ils devinent, tiens. Ah. Ils peuvent pas buzzer, du coup, c'est dommage. Ils peuvent pas buzzer, donc ouais, c'est. Mais en gros, c'est une brasserie qui est quasiment jumelle avec une autre aujourd'hui d'un point de vue recette. Bon, ben là, ils ont trouvé, c'est facile. Mais vas-y, continue. C'est une brasserie qui brassait en fait initialement la recette de quelqu'un d'autre. Ça c'était quoi? C'était dans les années 1950, quelque chose comme ça, 1945 il me semble. En gros, il y avait ça fabriquait la bière d'une autre brasserie, d'une autre église, d'une autre abbaye pendant quasiment une trentaine d'années. Et au bout de ces 30 ans, ce qui s'est passé, c'est que l'abbaye en question a décidé de retirer la licence de brassage justement de cette brasserie pour rebrasser elle-même sa propre bière. Comme quoi, le brassage à façon, même chez les abbayes, ça existait. Du coup, ça parle un peu de la bière qui était meilleure bière du monde en 2005, mais ce n'est pas forcément la brasserie qui nous intéresse le plus. Aujourd'hui, c'est du coup, là, on vous parle donc, de la brasserie Saint-Bernard, plus connue sous le nom de Saint-Bernardus au final. Celle qu'on connaît mieux, c'est la ABT12. J'entends déjà les ouin-ouin, c'est pas craft derrière. Et du coup, ouais, Saint-Bernardus à Bethesda, c'est celle où il y a le fameux débat qui dure depuis longtemps, au moins 2005, le moment, ça a été élu meilleure bière du monde, donc pour la Veszprémie 12, comme quoi bah, Saint-Bernardus 12 et Veszprémie 12, on va dire que la qualité est quasiment identique, que les goûts sont quasiment identiques, et au final, est-ce qu'il vaut mieux pas prendre une Saint-Bernardus 12 qu'une Veszprémie? C'est plus simple à trouver, c'est moins cher, il y a plein de raisons. Et du coup, ouais, donc, c'est ce que je disais juste avant, bah, l'histoire, c'est juste que l'abbaye de Saint-Sixte, c'est en 1945, a cédé la licence pour le brassage de ses bières à la brasserie Saint-Bernard. Et du coup, entre, il me semble que c'est entre 1945 et 1992... Ah bah là on n'était pas nés. C'est ça, là on n'était pas nés. Du coup, question, en quelle année nous sommes nés? Ouh là là. Il faut avoir écouté tout le podcast pour savoir. C'est ça. Mais en gros, en 1992, l'abbaye Saint-Sixte décide de retirer la licence à la brasserie Saint-Bernard. Du coup, ça veut dire qu'ils avaient donc au début une licence entre 1945 et 1962. Et ensuite, ils ont décidé en 1962 de leur laisser une licence sur une trentaine d'années, sur 30 ans. Et du coup, ça veut dire que pile en 1992, ils n'avaient plus le droit de brasser leur bière, enfin la bière qu'ils faisaient donc depuis 30 ans. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que l'abbaye Saint-Sixte a décidé donc de, elle, rebrasser sa bière chez elle, sa recette chez elle. Et du coup, bah, la brasserie Saint-Bernard était un peu embêtée, puisque c'était la bière qu'ils faisaient depuis tout le temps, c'était aussi pour ça qu'ils étaient connus. Et bah, ils ont juste, tout simplement, continué à brasser la bière. Il y a eu peut-être des légères modifications, mais en soi, la recette n'a pas vraiment très peu changé. Mais j'ai une question là-dessus. Est-ce que la marque commerciale Saint-Bernardus existe que depuis 92? Ça, j'en ai aucune idée. Parce que, enfin, quand on entend parler maintenant, on a l'impression que c'est vieux comme le monde, quoi. Enfin, ouais. Ils sont arrivés à avoir une com qui, enfin, t'as vraiment l'impression que c'est vieux comme le monde. T'as encore d'autres trucs à nous raconter sur l'histoire? Ou on peut parler du lieu, parce que le lieu était incroyable. Non, mais ouais, mais on peut parler de la partie du lieu. Donc là, les bières, elles sont brassées donc à Watou. Donc c'est les recettes donc, qu'on a vu héritées des moines de Veszprémie, et c'est un lieu qui est assez incroyable au final. C'est quelque chose qui est au milieu de nulle part. Comprendre au milieu des champs. Au milieu des champs, là, ouais. C'est la version parisienne de milieu de nulle part. Et ce que la brasserie Saint-Bernard a décidé de faire, c'est de faire une sorte de grand bar resto rooftop tout en haut de leur brasserie, puisqu'en bas c'est plus compliqué. Mais le rooftop, coup... ouais, en sous-sol, ça rend moins bien. Rooftop en cadre. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui est vachement agréable. On voit les champs de houblon. Il y a un grand champ de houblon qui est juste au pied de l'édifice. Qui est vachement plus grand que celui d'Edouard. C'est ça, ouais. Avouons-le quand même, c'est très grand. Il est un peu plus grand. Et surtout, vu de haut, on a vraiment la vision globale, ouais, du champ. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On s'est posé là-bas, on a commandé donc, quelques bières et quelques petites choses à grignoter. En fait, l'objectif, c'est de faire une sorte d'apéro là-bas. Oui, enfin, c'est clairement parce qu'après on conduisait aussi. Hein. Ouais. Après on conduisait et après on voulait essayer d'aller manger ailleurs. Donc, oui, là, c'est là, vrai. Là, il était encore tôt. Du coup, ça veut dire qu'on a fait vraiment le musée du houblon. On a dû le faire le matin. On a dû finir vers 12h30. On est allé ensuite à Saint-Bernardus. Il devait être 13h. On est reparti vers 14h. Vous noterez la notion de matin quand même. Le matin, on a fini à 12h30. Oh. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc commandé donc, deux bières. On avait dû prendre la Extra 4, la blonde, qui était à 4,8% d'alcool. Et on a aussi donc pris, bah, logiquement, bah, la BT12, hein, la bière phare de Saint-Bernardus. Du coup, la Extra 4, la bière la plus légère qu'ils proposent à la carte, c'était, bah, étant donné que j'allais conduire après, j'allais juste goûter légèrement les bières. Du coup, j'ai décidé de prendre aussi la moins forte pour éviter de trop abuser. Et surtout, en plus des bières, ce qu'on a décidé, donc, c'est de prendre de la nourriture. On a pris une saucisse sèche préparée avec la Prior 8, qui est une bière brune de la brasserie Saint-Bernardus, qui est à 8% d'alcool. Waouh, je ne m'attendais pas. Alors que la ABT 12 est à 10%. Ouais. Et du coup, on a fait ça. On a aussi pris une grande tranche de fromage. Avec du pain qui était aussi du coin. Et non, c'était extrêmement bien. Ils avaient mis, avec du pain, ils mettaient pas du beurre, ils mettaient du saindoux. C'est vrai. Ils mettaient donc. C'était un peu. C'est belge, quoi. Tu mets du saindoux à la place de mettre du beurre. Et non, ouais, c'était vraiment un lieu qui était agréable. On avait la terrasse, il faisait beau. On avait vu sur le champ de houblon. Non, c'était juste un vrai plaisir. Clairement, moi, pour ma part, je peux pas dire à quelqu'un de pas y aller, entre guillemets. Ouais. Si tu vas en Belgique, tu dois y passer. Ouais. Alors oui, on va nous dire que c'est une grosse brasserie, blablabla, blablabla. En fait, dans le fond, ils ont surtout fait un lieu autour de la bière incroyable. C'est ça. Bon, la BT12, moi, c'est une bière que j'ai toujours aimée parce que je trouve qu'elle a tout ce qu'une bière belge doit avoir, sans être fortement trop sucrée, d'ailleurs. Mmh. À l'époque, je me disais quand même beaucoup que c'était sucré. Au final, c'est pas non plus ce qu'on ressort le plus. Je bois plus trop de belge ces temps-ci. Mais c'est moi non plus. Mais du coup, ça va. La partie bouffe, bon, c'était pas la grande folie. Non, la petite saucisse, c'était sympa. Le fromage... Moi, je pense qu'il faut arrêter. Ouais. Faut arrêter de faire du fromage. Ouais, c'est le fromage un peu pâte molle, un peu indus presque. Ouais. Moi, c'est le mot qui me vient. C'est pas du tout indus, mais il y a le côté où c'est pas du. C'est pas du parmesan, c'est pas du. Oui, mais ça n'a rien à voir. Clairement, faut pas y aller quand on est un amateur de fromage et qu'on va absolument goûter ça. Mais le lieu était vraiment cool. C'est vraiment le côté 3 étages. Alors, c'est super moderne. Hein, l'ascenseur, il est tout neuf. D'ailleurs, dans l'ascenseur, le fond est vitré. Du ascenseur art. C'est ça, le fond est vitré et sur toute la hauteur du bâtiment, qui est très haut, il y a une illustration. Oui. Alors il y a un truc dans un bar, je crois. C'est super cool. Donc clairement, on est dans le gros budget. On n'est pas dans le truc fait bricolé. Mais c'est un endroit qui est tellement agréable pour le lieu, pour ce qu'il apporte et pour ce qu'il veut être. Donc on est quand même dans un truc un peu chicos. Hein. Le resto, il est bien propre. Tu sens que t'es pas dans la brasserie de Pouilleux au fin fond d'une ville. Hein. Non, non, t'es quand même dans un truc un peu classe, mais le fait d'être entouré de ces champs, du champ de houblon, bon, il faisait chaud, donc on n'a pas passé trop de temps dehors non plus, mais c'est quand même ultra cool. Enfin, pour moi, c'était un lieu incroyable. En fait, c'est un super lieu. Je sais pas si j'aurais forcément envie d'y retourner. En fait, c'est vraiment un lieu à voir une fois. Manger là-bas une fois, prendre un apéro, prendre un verre là-bas une fois. Après, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on va pas y passer à chaque fois qu'on va en Belgique, à chaque fois on ira. Ah, moi je suis chaud. Moi je suis chaud, mais alors j'irai à condition qu'on ait quelqu'un pour nous conduire. Ouais. Parce que pour le coup, j'aurais vraiment aimé passer un peu plus de temps, bouffer là-bas, goûter les plats, etc. et reprendre une ou deux bières, ou trois. Ouais. Après, j'avoue que moi, il y a le côté aussi, étant donné que le fromage n'était pas fou, non, après c'était plus, la saucisse, c'était avec de la moutarde, c'était assez particulier, mais j'étais pas non plus un grand fan, je t'avoue que je pense que ouais, c'est ça aussi qui me gêne un peu. Mais le pain était incroyable. Les autres restos, les autres endroits où on a mangé, c'était le Bierbuik. Et c'était le papa posto. Oui, non, on n'est pas sur la même chose. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment différent. Mais ouais, après, il y a plein d'autres choses à tester. Mais le pain était incroyable. Ils ont des pizzas meatballs. J'y tiens beaucoup. Ils ont des fish fingers, ils ont des plateaux de charcuterie, de fromage, ils ont des poudriettes, ils ont d'autres choses à goûter. Après, ils ont même les plats directement. À voir pour une prochaine fois. Va aller boire un verre sur la terrasse quand il ferait moins chaud. Mais par contre, il faut trouver quelqu'un. Ouais. Après, si vous nous écoutez, que vous voulez être notre chauffeur, chauffeuse. Je sais pas, voilà, c'est compliqué. On est d'accord, hein, c'est quand vous voulez, voilà. Après, aidez-nous. Où qu'on soit, il y a quasiment 40 minutes de route pour y aller. 40 minutes, si on est sur l'île ou à Poperinghe, il y a toujours une bonne grosse demi-heure pour faire l'aller. Ouais, mais quand t'as de l'alcool dans le sang, t'as pas le droit de conduire. Donc, Oui, alors, boire ou conduire, il faut choisir. On insiste, c'est le moment un peu prévention. Déconnez pas avec ça, voilà. Fin de la prévention. Ouais. Et surtout, donc ça c'est pour le bar. On a vu aussi un peu la boutique et on a vu quelque chose de nouveau. Dans la boutique. Ah oui, je sais. On a vu une nouvelle bière qui s'appelle Tokyo. Et il y avait quelque chose qui était très marquant sur cette bière qu'ils vendaient. C'était le conditionnement. C'est du Brewdog. Ça aurait pu. Et le conditionnement était vraiment très étrange, on va dire, pour une Saint-Bernardus. C'était pas une bouteille. C'était une canette. Waouh. J'ai envie de mettre des applaudissements derrière. Et du coup, ouais, c'est vraiment là où on commence aussi à se poser la question, puisque Saint-Bernardus, c'est quelque chose qui est très ancré. On a tous hanté la bouteille de la BT12 avec le un peu ancestral. Alors que là, on commence à voir une bière Tokyo blanche qui titre à 6% d'alcool, qui est en canette, où l'identité même visuelle, vous pouvez aller voir sur internet, mais la Tokyo de Saint-Bernardus, le visuel n'est plus du tout lié. C'est bien parce que tu fais des recherches sur Google en même temps, c'est super radiophonique. Je pense que tout le monde est en train d'imaginer. Tokyo Saint-Bernardus. Donc c'est bien, toi tu le vois, mais pas eux. Image. Décris-nous l'image, Geoffroy. Oh, c'est dur. Débrouille-toi. Il y a quelqu'un qui trinque avec un chef dans une rue de Tokyo, avec des petits lampions, avec des bougies dedans qui éclairent. C'est vraiment... En fait, c'est une étiquette où, à part sur le côté, le moine, qui est l'image du moine en blanc, donc sans qu'on ait les détails qui est affiché, c'est vraiment quelque chose qui reprend justement l'univers japonais. Et donc c'est marrant de voir comment ils changent leur identité visuelle, du moins juste sur cette canette, puisque est-ce qu'ils vont faire d'autres choses après? Je serais très curieux de savoir à quel marché ils le. C'est ça. Et du coup, quelle sera la suite, quoi? On sait, est-ce qu'il y aura d'autres types de canettes? Est-ce qu'ils vont rester dans cet univers-là? Est-ce qu'ils vont créer de nouvelles choses? Est-ce que c'est la seule qu'ils vont faire? On sait curieux, pas. Je suis super curieux aussi. Et du coup, c'est là où on voit en fait le changement d'une marque qui va bouger. Que la BTB, ils ne pourront pas pour les questions de vieillissement, je pense. Enfin, je sais pas. Aucune idée. C'est quand même une grande question, ouais. C'est ça. Du coup, on verra bien comment ça va évoluer. Je pense que c'est une affaire à suivre. Je pense que d'ici un an ou deux, on aura. T'imagines un Orval en canette? Ouais. Genre, c'est perturbant. C'est très perturbant. Bah, en vrai, l'Orval verte qui est servi au flux. Ah oui, l'Orval verte, c'est vrai que exemple, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Moi, je ferais bien une canette on de peut temps déguster temps. Que à côté de Orval, il me semble. Moi, c'est ce que j'ai su. A priori, ils sortent quelques flux quand même. Donc, reprenons. Où on était. Donc là, on est le jour 3. On est quand même un peu sur le départ parce c'est que ça. Là, faut quand même arriver à Paris. On était quel jour? On était en plein milieu de la semaine. Jeudi, ouais. On devait être un jeudi. Il y a quand même un chat qui m'attend à Paris. C'est ça. Bêtement. Et on décide de faire un dernier petit tour avant de partir. Il devait être quasiment 14h. 14h, quand on est parti. À peu près. Ouais. Et en fait, on voulait faire, étant donné qu'on était à Saint-Bernardius, on voulait aller voir donc l'abbaye source, on va dire, de ces bières, et notamment de l'abbaye douce qui était à Vesvelateren. Vous savez, le truc super hype où il faut se battre pour avoir des cartons et tout. Mais Geoffroy y avait déjà été. Parce que tu avais essayé d'appeler quand tu étais petit, mais ça n'avait pas marché. Ça, ouais, et en fait, le resto boutique qui est en face, de temps en temps, a des packs de 6. Donc on s'est dit, pourquoi pas y passer, bouffer là-bas et revenir après sur Paris. Sauf que quand on est arrivé, il n'y avait pas grand monde. Déjà, on était un peu genre, il n'y a que 4-5 voitures sur le parking. Comme étonnant. Ouais. Puis on avance. Et puis on se dit, quand même, c'est marrant, pour un resto, les tables, il n'y a un peu personne. Et puis il y a eu un message écrit dans une langue que nous ne connaissions donc pas. On a regardé on a pris une photo, on a traduit ensuite avec, sur Papago, je crois. Ouais, on a traduit avec les applications qu'il y avait. En fait, on avait appris que juste quelques jours avant, c'est Inde Verde, j'ai plus le nom exact, mais en gros c'est une sorte de petit bar restaurant qui est juste à côté de la brasserie où c'est les seuls à vendre normalement la Vesvelateren. On n'a pas le droit de rentrer dans l'abbaye, on peut pas la visiter comme ça, enfin c'est pas quelque chose ouvert. C'est quoi. Ça. Et du coup, on a vu qu'ils avaient décidé de fermer pour des raisons sanitaires pendant tout le mois d'août. Et du coup, ça on le savait pas, on avait regardé les horaires, on avait vérifié avant comme quoi c'était bien ouvert et on a eu un peu la déception après une demi-heure de route dans le mauvais sens puisque Vesvelateren c'est au nord de Saint-Bernardus et Paris c'est carrément au sud de la Belgique. Surtout qu'il faisait genre 37 degrés, qu'on n'avait pas la clim dans la voiture c'est ça. Et qu'on avait de la drogue dans le coffre. C'est ça. Voilà, c'était une très bonne idée, je crois. Du coup, après notre petit passage à l'abbaye de Saint-Sixte, on a décidé donc de faire chemin retour. Un peu de déception sur la partie Saint-Sixte, mais bon, on a l'occasion d'y aller un peu quand on veut. C'est donc sur Saint-Sixte fermé qu'on termine nos 3 jours assez remplis de voyages entre Lille et la Belgique. Et puis on va pouvoir passer à la conclusion. On arrive donc sur la fin de cet épisode, de ce premier épisode de Bière de Voyage. On espère qu'il vous aura plu, déjà, premièrement. Ouais. Parce que nous, on a pris beaucoup de plaisir, à partir en vacances, ça c'est sûr, mais surtout à préparer tout ça. Moi, à monter la petite vidéo qui accompagne le podcast. Geoffroy, je lui ai fait découvrir le magnifique monde de préparer un podcast. Du coup, il a simplement imprimé... Je l'ai déjà fait 2 fois, hein. Oui, c'est vrai, quand on était invité à... Une fois avec Idiots and Beer, il y a 5 ans. T'avais préparé un truc. Ouais, c'était sur le rachat d'une brasse, je sais plus comme laquelle. Comme quoi, avec les Dudes, on a aussi fait des trucs préparés. Il y avait un épisode Dudes, on a et fait l'apéro. 5 ans, je sais pas combien, et une fois avec l'apéro du Capitaine, l'enregistrement entre 23h et 2h du mat. Je sais pas, après on était bourrés. Voir après. Parce que quand même, quand on y est, bon, ça n'a rien à voir, mais quand on y était, ils buvaient déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'alcool. Ouais. Et même on avait ramené de l'alcool pour tout le monde, genre pour 6 personnes. Je voulais pas repartir avec. Il fallait finir. Je crois que j'ai jamais vu autant de Parisis Blonde de ma vie. Enfin bref. Pour ce premier épisode de Bière de Voyage, on vous a fait ce petit voyage en Lille et Belgique. Et j'aimerais, avant de terminer, qu'on fasse un petit top 3. Mais à la base, je pensais qu'on allait faire genre chacun notre top 3, mais je pense qu'on va faire un top 3 commun. Ça nous permettra de débattre peut-être sur quelques lieux. Pour toi, quel était le troisième lieu? Enfin, lieu ou bar ou... C'est compliqué pour moi. Déjà, il faut savoir que pour tout ce qui est restaurant, c'est des choses que j'apprécie fortement. Et j'étais assez bluffé par le Papa Posto et par le Beer Buick. C'est des lieux où je sais que si j'ai possibilité d'y retourner, je dirais. Moi, pour moi, enfin, Blomkö est clairement dans le top 3. Pour moi, je pense que... Après, j'ai vraiment le côté food qui me plaît énormément et les deux me plaisent beaucoup. Et je pense que je mettrais peut-être le Birbuk. En 3 ? En 3. Merde, j'allais le mettre en premier. Bah, j'hésitais avec le Papa Posto qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Ah ouais, ouais. En fait, les deux restaurants m'ont beaucoup plu. Donc, Et si on fait un top 3 mais qui n'est pas classé ? Comme ça, ça évite de passer... On peut faire un top 3 qui n'est pas classé, ça me va. Moi, on va essayer de reprendre en main mon idée à la con de dernière minute. Pour moi, j'aurais mis le Blomkö, Saint-Bernardus et Derenck dans mon top 3. Derenck est en deuxième, pour moi. Ok. Où il y a le côté visite qui... Après, c'est difficile à vraiment... En fait, c'est Derenck, de notre point de vue, qui était vraiment intéressant. Je pense que si quelqu'un y va, il n'y a pas forcément les visites. Il y a la taproom, on n'a pas pu l'aller parce que c'était fermé. Il n'y a pas la taproom, du coup, il y a du pour et du contre. Du coup, c'est assez difficile de vraiment voir ça. Oui, mais c'était instructif. Ouais. Mais surtout, on a eu quand même la visite de Nino c'était qui cool, nous a tout expliqué. Cool. Et en fait, juste l'expérience humaine que le patron de Derenck, qui bosse dessus depuis 26 ans maintenant, prenne le temps. On est resté bien 40 minutes avec lui. Il nous a tout expliqué. Non, c'était... Moi, c'est vraiment top. Voilà, du coup, ouais, ça, moi, j'aurais mis ça en deuxième. Et en premier, c'est très difficile au final, puisque tout ce qui est foot, c'est des choses qui me plaisent. Du coup, il y avait le Papa Posto qui est vachement cool. C'est bien, ça fait 4 ans qu'on bosse dans la bière, mais en fait, tu t'en fous, tu aurais juste envie de manger. Ah bah, moi, ça me va très bien, tu sais. Faire des accords après, des choses comme ça. Et du coup, il peut pas y avoir forcément un premier, tu vois. Mais je sais pas, au pire, on fait pas un top 3, mais on fait nos 3 coups de cœur. Allez, je suis gentil. Je t'offre les 3 coups de cœur. Les 3 coups de cœur, ouais, ça va être Papa Posto, Birbuk et Derenck. Ah, du coup, ouais, tu mets même pas Bernardus, toi. Non. Ah, j'ai vachement plus kiffé que toi, alors. C'est la saucisse sèche à la moutarde et le fromage qui m'a plus dérangé. Après, pour le bar Bernard... Étant donné que je conduisais après, c'est vrai. J'ai même pas pris une gorgée de la BT12. Et pour l'autre bière, on avait pris 2 demi. Et pour l'extra 4, j'ai même Attends, pas bu la moitié du verre. Demi à 10 degrés ? Oui. À midi 30 ? C'est ça. Ah, après, j'étais fatigué. J'étais, voilà. On peut boire à partir de 10h, c'est très bien. Hein. C'est même le meilleur moment pour... C'est ça, pour les papilles. Et après, certaines personnes font des bières qui ressemblent à une sorte de clafoutis pêche. Ça se mange très bien au petit déjeuner. Enfin, ça se boit très bien au petit déjeuner. Mais ouais, en fait, je pense peut-être que j'ai pas juste pu profiter suffisamment du bar Bernard. Je savais que j'allais conduire et par principe, je divise... grandement les quantités d'alcool qui sont prises. Du coup, j'ai vraiment pris un gros galopin de bière qui était à 4,8% d'alcool. Et je voulais pas dépasser trop ça, puisque du coup, je pense que c'est un tout qui fait que j'ai moins profité. Et bah, peut-être que la prochaine fois, du coup, on inversera. On inversera et je goûterai au passage la. Non, on va trouver quelqu'un qui va nous conduire, s'il te plaît. Non, on fera comme ça. Bah du coup, la prochaine fois qu'on passe dans 2 mois pour aller voir Derenck pour l'événement. Ouais, tu conduiras. Hein. On ira tu t'aimes bien conduire. Au Bain Bernard. Oui, j'aime bien conduire. Mais... Donc, c'est sur ce top 3 où on n'est pas finalement d'accord qu'on va vous donner rendez-vous au prochain épisode parce qu'on s'est déjà décidé, même si vous aimez pas, on s'en fiche, on fera un prochain épisode. On a décidé qu'on fera ça tous les mois, donc ça va quand même nous imposer à trouver des petits voyages à faire tous les mois. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, on n'a pas créé pour ce podcast seulement. Donc pour l'instant, on va retrouver toutes les infos des prochains épisodes sur nos réseaux de notre boîte qui s'appelle donc Beemaker. Donc les réseaux, c'est @beemakerfr. Et puis voilà. Ouais. Et si vous avez des idées, des lieux, des suggestions justement où on pourrait aller, bah n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Donc si vous voulez qu'on aille en Allemagne, si vous voulez qu'on aille... Des trucs pas trop loin quand même, parce qu'après... Pas trop loin, surtout dans la période actuelle. C'est ça. Voilà, en fonction des réponses qu'on pourra avoir, on pourra justement adapter. Bah, on peut aller en Bretagne, on peut aller vers Cherbourg, on peut aller en Alsace, on peut faire un peu... tout ce qu'on veut. Suivez notre Insta, parce que sur Insta, pendant nos voyages, on pose des questions débiles dans nos stories, ouais. Et c'est un peu vous parfois qui décidez d'où on va, et j'essaierai de reprendre un peu en main le Twitter pour essayer de dire quand est-ce qu'on part et essayer de prévenir un peu. Et surtout sur Instagram, vous avez aussi la visibilité de voir un peu ce qu'on a fait en image en plus du coup de la vidéo. Qui sera postée d'ailleurs vidéo, est-ce qu'on n'a pas précisé, ça fait, on va dire au revoir 15 fois, c'est pas très grave, c'est le premier. Au revoir. En fait, on voit ce podcast en trois temps. Il y a le premier qui est en direct avec les Insta, avec le Insta et les stories, donc qui pose un peu les bases de ce qu'on fait sur le moment. Ensuite, on monte une petite vidéo. Donc là, pour l'instant, on va faire 2 minutes 30. Mais c'est histoire de mettre un petit peu en image tout ce qu'on vient de vous raconter et l'enregistrement de ce podcast. Donc les trois vont ensemble. Donc si vous aimez le podcast, vous aimerez les deux autres. Et si vous avez vu les deux autres, vous aimerez le podcast. Mais si vous arrivez à ce moment du podcast, c'est que vous l'avez écouté. Parce que je suis pas trop con. On vous dit merci. Merci de votre écoute. Et à bientôt et au mois prochain. Au revoir.